Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Marie-Laurence Audet vient d'arriver. Oui. Ça va bien, Marie-Laurence Audet? Oui. Génial. Est-ce que t'es prête à faire ta dernière chronique à vie? Oui. Bon, allons-y. Elle est triste. Je suis triste. On a remplacé dans ton intro les sifflets par des pleurs. Oh. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, je vais arrêter là. Ouais, ouais. Non. C'est assez traumatisant, merci, ça m'a fait. Marie-Laurence Audet, la chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Merci d'être là pour une dernière fois. Fais même pas dans ta case horaire habituelle. T'as pris vraiment ton lundi matin particulièrement pour nous. Oui, mais je voulais être là pour la dernière d'Assemblage Ricky. Je trouvais que c'était un bon fit. C'est ça vrai, fait hein? Très bien. Donc, ça fait 3 ans environ qu'on te reçoit à l'émission. Oui. Les gens s'en rendent pas compte parce que ça passe vite. C'est fou, hein? Ça passe vraiment vite. Non, c'est vrai. Et il y a des fois où tu étais une semaine sur deux, des fois aux semaines. Donc, l'échelle temporelle a changé avec le temps. J'ai déstabilisé les gens pendant 3 ans. Absolument. Moi, je suis tout mêlé. T'es qui, toi? Et je suis là pour te mettre mal à l'aise une dernière fois, moi, je pense. Tu réussiras pas. Je réussirai. Même les pleurs sur l'intro, ça n'a pas fonctionné. OK, un petit peu. Un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est légèrement malaisant. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je voulais faire un lien avec le titre de ma chronique. Écoutez bien ça. Ok. Oyez, mesdames et messieurs. Non, mais quand j'ai choisi au début d'appeler la chronique le loisir bien plus qu'un jeu, en fait, c'était pour pousser plus loin que l'image qu'on a du loisir à la base, qui est de dire c'est un simple divertissement banal comme une récréation. Ouais. Qu'il y avait derrière ça des recherches, qu'il y avait des impacts dans la société. On l'a vu à travers les 3 dernières années, les différents sujets que j'ai abordés dans mes chroniques. Mais j'ai trouvé un aspect aussi négatif, qui était le loisir bien plus qu'un jeu, mais quand le jeu va pousser trop loin dans le sport puis qu'on se rend à des conséquences comme des commotions cérébrales. Ah en fait. Ouais. Donc, j'ai un petit lien avec mon titre. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que la semaine dernière, le 14 décembre, c'est quel jour? Lundi dernier. Oui, lundi. Lundi pile. Aujourd'hui, on fête la première semaine de ce communiqué de presse. Joyeux anniversaire! Donc, il y a une semaine, jour pour jour, dans un communiqué de presse, on annonçait en fait qu'il y a une instance qui a mis en place des mesures pour mieux gérer et prévenir les commotions cérébrales qui étaient liées à la pratique d'activités récréatives et sportives. Donc, c'est pas triste comme sujet ce matin. C'est vraiment au contraire des solutions puis des éléments pour que ça arrive moins puis outiller ceux à qui ça arrive malgré tout. En fait, M. Blais, qui est le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et aussi ministre responsable du secteur loisirs et sports au gouvernement. Donc, on l'appelle Monsieur. Monsieur. Oui, donc, lui, dans le fond, il a rendu public un rapport. C'est un rapport qui a été fait par le groupe de travail sur les commotions cérébrales au gouvernement. Ils ont fait un petit comité là-dessus. Et ça a présenté un plan d'action qui était pour prévenir puis gérer les commotions liées, comme je disais tantôt, à la pratique d'activités sportive, mais que ce soit dans le récréatif ou dans le compétitif, dans le scolaire ou dans le civil. Puis il y avait une belle citation. Et je cite M. Blais. Il disait « Nos jeunes doivent pouvoir pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles. En nous appuyant sur le rapport du groupe de travail sur les commotions cérébrales, nous posons aujourd'hui des gestes concrets pour en diminuer les risques et être en mesure de réagir efficacement si un tel incident survient. » Le plan d'action dont nous présentons aujourd'hui nous permettra d'agir avec l'ensemble des partenaires du milieu sportif, scolaire et médical pour prévenir et gérer les commotions cérébrales. Nous croyons aussi en une mesure qui va permettre de diminuer le nombre de commotions tout en encourageant la pratique d'activités sportives. C'est aussi pas d'effrayer les gens. Donc, c'est vraiment de leur faire comprendre que oui, ça peut être une conséquence reliée au sport. On n'est pas totalement à l'abri. Mais de là, il ne faut pas diminuer notre pratique sportive qui a plus de bienfaits que d'éléments négatifs. Donc, parmi les mesures qui ont été mises en place, on a noté, entre autres, je ne pensais pas que ça irait jusque-là, mais la révision des règles du jeu des fédérations sportives. Ouais. En fait, quand tu t'appelles monsieur ou gouvernement, t'as le droit et t'as un impact jusqu'aux fédérations sportives pour dire est-ce qu'on pourrait mettre des sanctions plus sévères pour en fait diminuer l'intention des gens de faire des gestes violents. Tu sais, peut-être qu'au lieu de faire une punition de 2 minutes, on en fait une de 10 minutes. Peut-être au lieu d'un carton jaune, c'est tout de suite le carton rouge pour l'équivalent de cette de cette infraction-là. Et ça, ce serait dans l'ensemble des sports des fédérations sportives au Québec. Donc, ça serait géré par Sport Québec, en fait, qui chapeaute, que ce soit Soccer Québec, Baseball Québec, Hockey Québec. Tous les sports sont sous cette instance sportive-là. Donc, déjà, on revoit les règles du jeu. Et en plus, il prévoit, c'est pas juste une prédiction, là, c'est vraiment cet été, là, il y a une date. Printemps 2016. C'est une date gouvernementale, ça. Ça n'a pas été choisi sur un coup de tête, comme on appelle. J'ai une boule de commotion, ça. Mais il a annoncé dans le communiqué qu'au printemps 2016, une campagne de sensibilisation allait être lancée dans le but aussi de mieux outiller les parents dont les enfants s'exposent à un choc à la tête. Parce que malgré qu'on veut tout mettre en place, ces éléments-là, comme je disais tantôt, on n'est pas à l'abri. Et quand ça arrive, c'est que la personne en est affectée au point que c'est les gens autour qui vont souvent devoir l'aider. Ouais. Au-delà de l'amener chez le médecin pour te faire dire que tu as une commotion cérébrale, dépendamment du niveau aussi, à quel point tu as été affecté, ça se peut que tu aies des séquelles, soit à court ou à long terme, mais pendant une période, tu dois faire ta réhabilitation, que ce soit physique ou mentale, que ce soit de réapprendre à lire, de réapprendre à parler, de réapprendre à marcher. Tu sais, des fois, il y a des impacts qui sont vraiment gros parce que le cerveau a un gros impact sur le reste du corps. Là. Ouais. Il gère autant le tonus musculaire qu'une grosse partie intellectuelle. Faut que tu réapprennes même tes chants africains. Chocolat. Mais peut-être qu'en les réapprenant, tu ne seras pas dyslexique, t'imagines? Ah, c'est une bonne idée. Oui, faut t'apprendre deux langues. Parce que tu peux être dyslexique dans une langue puis pas dans l'autre. C'est ça, pas dans l'autre. Fait que si t'es dyslexique, boum, commotion pour commence. Chocolat. Jusqu'à temps que ce soit terminé. En fait, il soulignait aussi que aujourd'hui, en date du communiqué de presse, c'était un nouveau point de départ pour la stratégie qui était concertée de développer au niveau sportif. Et on constate qu'il y avait trop eu de cas qui auraient pu être évités. Parce qu'à un moment donné, si t'as juste un 2 minutes sur le côté, là, ben tu te dis, on va le frapper, il tombera, je serai puni, puis après je vais retourner sur la glace. Ouais. À un moment donné, quand les conséquences sont pas graves, on l'a vu aussi dans la LNH et tout, il y a des joueurs qui ont le rôle d'aller détruire les autres. Tu sais, quand c'est rendu que tu peux te permettre des punitions, parce que tu vas avoir blessé le joueur qui est fort dans l'autre équipe, à un moment donné, je pense que les règles du jeu sont à remettre en question. C'est certain que là, l'exemple que je viens de faire, c'est avec la LNH, alors que lui, M. Blais, il parlait au niveau du Québec pour toutes les pratiques récréatives et compétitives, mais au niveau peut-être plus des jeunes, donc les fédérations sportives. Ouais. Là, on parle pas des fédérations, je dis, officielles. Là. C'est pas la NHL, c'est pas la FIFA, c'est pas, tu sais, c'est un... C'est pas professionnel. C'est ça. Ça reste dans le milieu amateur, compétitif ou récréatif. Il faut commencer jeune pour leur inculquer ça tout de suite. Puis plus tard, là, sûrement que les autres affaires professionnelles changeront parce que les jeunes vont arriver dans ces environnements-là puis vont s'attendre à ces règles-là. Oui. Et ce groupe de travail-là sur les commotions cérébrales, comme je disais tantôt, c'était un petit groupe à l'intérieur du gouvernement qui avait été créé exprès pour cette situation-là. Ça a été présidé par M. Dave Ellenberg. On le salue. Bonjour, M. Dave. Il a son propre moi, Ellen Burr. Et je vous invite à prendre connaissance de ce document-là qui est très bien fait, qui est disponible en ligne soit sur le site du gouvernement du Québec ou encore vous pouvez aller sur le site de l'Observatoire québécois du loisir, donc uqtr.ca/OQL pour Observatoire québécois du loisir. Il est en première page, c'est dans les annonces de la semaine, c'est dans les nouveautés du milieu du loisir. Je pense que vous allez le trouver plus facilement, mais sinon... Il y a toujours possibilité de braver le site du ministère. Mais ce serait fun si sur ce site-là, il y avait tout le temps Marie-Laurence qui pointe les affaires. Non, c'est ça. Une petite flèche. Là, voilà. Coup de cœur de Marie-Laurence. Oui. Coup de cœur de la semaine. Donc, c'est intéressant à consulter parce que je pense que ce soit arrivé à vous ou que ça vous arrive un jour, d'être plus outillé à cet effet-là, c'est sûr que dans votre vie, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir vécu une commotion cérébrale ou que vous allez assister à quelqu'un qui vit présentement une commotion cérébrale. Il y a des gestes, comme je vais vous expliquer, qui sont en prévention, mais il y a des gestes qui sont aussi en post-choc. Donc, si on peut juste être informé, c'est le genre d'éléments qu'on n'apprend pas dans nos cours à l'école. Non. Que même si tu suis des cours de premiers soins, ce ne sera pas là-dessus qu'ils vont cibler, ni pour prévenir, ni pour intervenir. Fait que je pense que c'est le genre d'éléments. Lisez-le une fois. Pas besoin de l'apprendre par cœur. C'est une notion que vous allez maîtriser, c'est simple, c'est clair. Ouais. Sinon, il y a une chanson de karaoké aussi pour ça, pour ceux qui viennent le mardi soir, c'est « Oh yeah, comment va? » Mais ça, c'est parce que tu savais pas, mais c'est un raccourci pour « Oh yeah, commotion cérébrale va? » Ah ben oui, c'est sûr. Fait que t'apprends des choses sur la commotion cérébrale. Ça paraît pas, mais... Non, ça paraît pas. Fait que demain, karaoké. « Oh yeah, comment va? » On va chanter ça. C'est ça. D'accord. Donc, dans les axes du document, comment il présente au départ, il y a un beau petit tableau qui dit « avant, pendant, après ». Comme je vous dis, il est vraiment bien fait, il est vraiment bien vulgarisé, il est très accessible au commun des mortels. T'as pas besoin d'être un spécialiste du sport, t'as pas besoin d'être un spécialiste du gouvernement et des grands mots universitaires. C'est très accessible. Dans la catégorie « avant », Il parle de prévention. À ce moment-là, c'est autant des campagnes de sensibilisation comme ils vont faire au printemps 2016 pour sensibiliser les gens. Ça se peut que ça arrive, comment ça arrive. Au niveau de l'encadrement, donc dans les différentes, dans les différents clubs sportifs, comment est encadré par le coach cette pratique récréative ou compétitive-là. Ensuite, les différents comportements et attitudes. Donc, comment, comme je disais tout à l'heure, on décide de mettre sur place au jeu un joueur qui a le rôle d'aller blesser ou encore comment est-ce qu'on accepte ou qu'on punit ce genre de geste-là. Les équipements de protection, est-ce qu'ils sont toujours adaptés? Quand tu joues au football, quand tu joues au hockey, t'as des gros équipements. Mais il y a des sports où est-ce qu'il y a encore des risques, ils sont pas aussi bien équipés, je dis physiquement. Puis des fois, oui, t'as les bras protégés, mais est-ce que t'as toujours la tête protégée au bon niveau? Ensuite, tout l'environnement puis l'installation. Donc oui, des fois, t'as des commotions parce que l'autre joueur t'a blessé, t'a frappé. Des fois, c'est plus volontaire que d'autres. Mais des fois, c'est l'environnement qui était peut-être pas adapté non plus. Est-ce que le terrain avait des éléments qui auraient pu être mieux mis en place pour pas que tu te cognes dessus? Est-ce que sur le terrain de soccer, il y avait un trou, tu t'es enfargé dedans, tu t'es cogné sur une roche qui traînait? Tu sais, à un moment donné, est-ce que l'environnement était adapté à la pratique? Donc ça, c'est vraiment l'axe du « avant ». Tout ce qui est pendant, c'est tout le côté détection. La commotion est arrivée, donc, ou va arriver. Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'un événement va être susceptible de provoquer une commotion cérébrale? Ou comment on est capable de cerner que ce qui vient d'arriver, c'est une commotion cérébrale? Parce que ça peut être une autre blessure aussi qui n'a pas autant d'impact. Donc, quand la personne tombe par terre, le genre de symptômes et autres. Donc, la vérification des signes et des symptômes. Puis, la prise de décision. Donc, est-ce que la personne doit poursuivre l'activité? Est-ce que on fait juste le mettre sur le côté, le surveiller de temps en temps? Est-ce qu'on le renvoie au jeu? Ça, c'est des éléments clés auxquels le coach devrait être prêt à faire face. C'est pas juste un « tu vas-tu bien? » Il dit « oui, oui », puis tu le relances sur le jeu. Mm-hmm. Il y a peut-être quelques tests à faire avec l'équipe médicale sur place qui éviterait d'empirer le cas, parce que des fois, tu n'en as une commotion, puis tu vas t'en rendre compte 24 heures après. Mm-hmm. Puis des fois, la grosse pensée populaire, c'est de dire « t'as reçu un coup sur la tête, t'as peut-être une commotion », sauf que c'est pas juste des coups sur la tête qui peuvent donner des commotions cérébrales. Ça, j'ai appris ça, là. Ouais. Ça peut être un coup dans le dos, ça peut être un coup ailleurs qui a résonné via ta colonne, via autre. Ouais, tu peux achoumer et faire une commotion, ça a l'air d'envie. Tu peux comment? Tu peux achoumer et faire une commotion. Ouais. Arrête, pour vrai? Oui, c'est juste c'est une commotion, c'est en fait. Choc. C'est le choc. C'est juste le fait que ton cerveau va aller taper sur la paroi de ton crâne. Exactement. C'est ça qui va créer que tu as une commotion. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as eu un choc à la tête. Fait que les gens imaginent, tu jouais au hockey, tu as reçu un coup de bâton, tu es tombé à terre. Écoute, va vérifier, tu as peut-être une commotion. Mais comme a dit, c'est un cas plus extrême, mais c'est vrai, l'éternuement peut en être un. À un moment donné, c'est l'hiver, il y a une plaque de glace, tu glisses, tu tombes fort, comme assis sur le coccyx, ça résonne dans ta colonne et l'impact est jusqu'à ta tête. Donc, il faut vraiment pas négliger la possibilité que ce soit une commotion. De prendre connaissance de ce genre de document-là, c'est aussi en connaissance de cause des symptômes. Est-ce que je suis engourdie? Est-ce que j'ai de la difficulté à relire? D'ici 24 heures, sur ces éléments-là, fais-toi rapidement suivre. Mmh. Sinon, les impacts vont être plus longs et peut-être qu'ils guériront pas à 100%. Sinon, tout le côté après, dans le avant, pendant, après, c'est le suivi. La personne a eu une commotion, a été diagnostiquée, a fait le suivi nécessaire, mais il y a des déclarations et des informations qui sont nécessaires à donner aux instances. Donc, à ce moment-là, c'est de faire le suivi avec le coach, c'est de faire le suivi avec le club sportif. Et de là aussi, la prochaine année que tu vas t'inscrire ou dans un autre club, il devrait à ton arrivée avoir ce suivi-là. As-tu déjà eu les commotions? C'est quoi tes antécédents médicaux? Et la commotion doit faire partie de ces suivis-là. Peut-être que tu en as eu une il y a 10 ans dans un autre club, dans une autre ville. Tu arrives, tu dis « ben non, moi, je suis bien correct », puis ils te font les tests, puis tu n'as pas de conséquences en ce moment. Mais que maintenant, tu vas avoir un petit choc et que ça va revenir plus fort, les conséquences, parce que de fois en fois, les conséquences sont plus grandes et ne reviennent pas à 100%. Donc, premier impact, peut-être que ça te prenait un gros coup de bâton de hockey en même temps que t'as revolé dans la bande de hockey. Puis à ce moment-là, t'es revenu à 98%. Peut-être que la fois d'après, c'est juste parce que l'autre, il va t'avoir accroché avec son coude. Puis là, tu vas revenir à 80%. Tu sais, à un moment donné, de fois en fois, les impacts sont pas nécessaires d'être aussi gros et le retour n'est pas autant à 100%. T'as pas une petite barre, une jauge comme dans Mortal Kombat pour savoir où t'es rendu dans ton... Non, mais si on en avait une, elle reviendrait jamais au 100% du verre. Puis le genre de coup, on se doute pas parce qu'on se dit « ben oui, mais j'ai pas eu un coup aussi fort équivalent ». Après 10 commotions cérébrales, à un moment donné, ça te prend plus grand-chose pour avoir les symptômes puis les résultats qui en découlent. Ouais. Puis sinon, il y a tout le côté prise en charge. Donc oui, tu as été chez le médecin, tu as fait les suivis, mais il faut que tu fasses les suivis au-delà d'être fait diagnostiquer. Si tu as de la physio à faire, si tu as différents... Souvent, tu as un gros suivi médical sur différents aspects pour que ta réhabilitation soit le plus complet qu'on ait possible d'aller rechercher. Donc ça, c'était concernant le document, le nouveau document présenté sur les commotions cérébrales, comment les prévenir, mais comment intervenir, comment est-ce qu'on peut outiller les gens, comment est-ce qu'on peut les informer, le grand public. Donc c'est disponible. En conclusion, je pense que je ferais juste un parallèle un peu avec les équipes sportives professionnelles qui ne sont pas touchées par ce genre de document-là, qui ne sont pas touchées par ce genre d'action-là où est-ce qu'on va sévir les règlements et tout, mais qui ne sont pas à l'abri non plus. Et le problème aussi, je pense, qui sont des modèles pour ces jeunes-là. Donc, ils ont le goût de frapper fort comme le joueur de football parce que ça a passé à la télé, c'était cool, puis il est bon. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que c'est de l'accepter aux professionnels au détriment de la santé des joueurs, mais au détriment aussi de la future génération récréative, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait se permettre aussi aux professionnels de revoir les règlements? Donc ça, quand je serai ministre de l'Éducation, on verra ça. Une chose mais, à la fois, Marie-Laurence. Mais comme elle dit, c'est beaucoup plus facile de faire la prévention du côté jeunesse, je pense, parce que rendu quand t'es rendu, côté professionnel, puis quand t'es rendu athlète à faire ça de ta vie, c'est beaucoup plus compliqué de dire à quelqu'un « Non, mais... » Arrête. Change parce que le gars, il gagne sa vie à faire ça, tu sais. Puis souvent, les sportifs, ils ont mis de côté bien des éléments dans leur vie, des fois le côté académique ou autre, pour continuer dans leur sport. Donc, si tu leur enlèves le sport, mais je pense comme n'importe quel secteur, n'importe quelle passion aussi, si tu leur enlèves le sport qui est leur raison d'être, qui est la raison dans, qui est l'élément dans lequel ils évoluent puis ils performent, tu leur enlèves aussi une utilité, un sentiment d'accomplissement, tu leur enlèves tout, là. Mm-hmm. Fait que, qu'ils soient retirés parce que médicalement, ils sont plus capables, ils vont mieux l'accepter des fois que si en prévention, tu leur dis « calme-toi, tu peux avoir des conséquences ». Tant qu'ils l'ont pas, ils vont continuer. Ouais, c'est ça, c'est des gars qui vivent à la... Là, c'est pas juste les gars. Surtout de hockey ou de football, mais tu sais, c'est vrai, c'est pas juste les gars. Que ce soit, mettons, du ski professionnel, tu sais, il y a des filles qui vont faire du ski professionnel, vont avoir des commotions aussi, sauf que du moment que tu leur enlèves ça... C'est invivable pour eux, bien souvent. Là, ça va tomber en dépression de façon assez dramatique. Là. Donc, tu sais, côté professionnel, c'est difficile, tu sais, jusqu'où tu peux le faire. Parce que justement, c'est la personne, elle sait qu'elle est à risque, mais elle fait ça de sa vie. Elle gagne sa vie à se dire, ouais, demain matin, je peux devoir arrêter. Tandis que du côté récréatif, la prévention est beaucoup plus facile à faire. Puis je pense que c'est bien de le faire du côté jeune. Là. Puis les professionnels aussi, ils voient l'arrêt comme un signe de faiblesse et d'abandon, alors qu'on leur a toujours dit de performer, de se donner plus loin et tout. Et juste pour faire un retour aussi, depuis tantôt, on parle que la commotion, c'est sur la tête. Mais des fois, quelqu'un qui fait du ski, par exemple, tombe sur la tête, mais il y a des conséquences plus graves qui se rendent au cou, qui se rendent à la colonne. Et des fois, les conséquences, c'est pas juste de dire « Ah, ben j'ai mal au dos, je vais me faire suivre. » Ça peut être « Tu deviens paralysé, tu deviens paraplégique et autres. » Les conséquences peuvent être très, très grandes. Et ce qui est triste souvent, c'est que ça aurait pu être évité. Mm-hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut juste informer et sensibiliser les gens? J'ai hâte de voir la campagne de sensibilisation publicitaire qui va avoir lieu au printemps 2016. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des athlètes professionnels qui vont participer à ça. Tu sais, des athlètes qui ont eu répercussions par rapport à ceux qui ont eu beaucoup de commotions cérébrales. Je sais que t'es pas un très grand fan de Dave Morissette, mettons. Non, là, vraiment, mais c'est pas. Un gars qui le dit. C'est un gars qui dit, moi, quand que je me battais, je pouvais pas dire que je filais mal parce que je gagnais ma vie à faire ça. Si je disais que je filais mal, je perdais ma paye. Mais tu perds tout parce que non seulement tu perds ta paye, tu perds ton nom, tu perds le commanditaire. Exact. Tu perds ta réputation. Puis qu'est-ce qui va passer dans les médias? Mettons, on prend Dave Morissette, là, en exemple. Ce serait un signe de faiblesse, il se rabat, il n'est plus capable, plus au combat. Ça, là, ça va leur rentrer dedans. Non seulement eux ont de la difficulté à l'accepter, mais la vision des autres sur eux, qui ont toujours été plus forts qu'eux, qui sont toujours démarqués plus qu'eux, ben c'est fini. C'est un règne qui se termine et qui ne recommencera jamais. Exactement. Mais c'est la même. Ça se voit surtout, ça se voit aussi en course automobile. Ouais. Tu sais, Michael Schumacher, c'est en faisant du ski qui est... Ah oui? Qui est rendu comme il est rendu, tu sais. Sauf que ça l'a été montré comme ça. Ouais, il a juste été faire du ski, mais toute sa vie, il roule à 130, il s'est jamais planté, mais là, il va faire du ski, puis il est rendu faible. Ouais. Sauf que, tu sais, c'est un risque. Peu importe le sport, peu importe ce que tu vas faire. Donc, j'ai comme vraiment l'impression que dans cette campagne-là, il va y avoir des gens qui ont eu des répercussions, qui vont embarquer là-dedans, justement, pour montrer que oui, même si tu gagnes ta vie à faire ça, il faut que tu fasses attention. Puis je pense que dans le milieu sportif, c'est certain qu'ils le visent parce qu'il y a beaucoup plus de risques. Tu es dans des sports de contact, tu es dans des sports de performance. Mais il ne faut pas non plus dire que le sport est négatif et que le sport peut avoir ça. Parce que comme je disais comme exemple tout à l'heure, il y a une plaque de glace, tu sors de chez vous, tu glisses, tu tombes sur le derrière. Ça ne tient pas à grand-chose. Tu n'as pas été un sportif ou tu es un sportif et ça n'a aucun rapport. À un moment donné, tu n'es pas à l'abri des commotions cérébrales. Il y a des sports plus extrêmes que d'autres, il y a des situations plus à risque que d'autres, mais on n'est jamais à l'abri, ni toi ni moi. Donc, Tu sais, mettons, j'aurais plus confiance en l'équipement qu'il y a au hockey que les gens qui sont dans une arène à se frapper dessus, mettons. Ouais. Tu sais, qui font du MMA, là, puis du combat ultime, puis tout ça. Mais les gens, en partant, eux, c'est de donner des coups. Ben, c'est ça. Alors que le but, c'est que l'autre se lève plus. Possibilité d'accrochage sur le jeu, alors que le but n'est pas de frapper l'autre, mais de rentrer la rondelle dans le but. Dave Morissette, juste pour être sûr, il n'y a pas eu de commotion cérébrale. Oui, il y en a eu. OK. Il y en a eu plusieurs. OK, fait que là, il faut que j'arrête de rire de lui. Ça. Mais c'est pas qu'il faut que tu arrêtes de rire de lui. Là. Parce qu'il est très mauvais animateur, mettons. Je sais que c'est ton opinion face à ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une commotion cérébrale? Je croirais pas. OK. Fait que je peux continuer. Okay. Oui. Sur ce sujet-là. Des fois, parce que je veux pas rire de quelqu'un qui a un handicap mental. Non, c'est pas. Mais des fois c'est difficile à dire parce que la personne a eu des conséquences par la suite, puis on n'est pas porté à penser que c'est en lien ou peut-être. Ouais. Là, on parle d'une personnalité connue, mais ça peut être le commun des mortels. Je veux dire, t'es dans une entreprise, puis là, tu te dis, voyons, lui, il a bien des réactions bizarres. Ouais, ben, donc, ouais. Des fois, avant de juger, de connaître aussi le passé des gens, ça permet de mieux comprendre. C'est vrai, c'est la personne vrai. Qui a eu une commotion cérébrale parce qu'elle est tombée sur la plaque de glace il y a 5 ans, bien, ce serait le fun qu'on puisse ne pas rire d'elle parce que des fois, elle a de la difficulté à s'exprimer. Tout à fait. Mais c'est une question difficile à poser des fois. Oui, sauf que la personne n'exposera pas autant sa faiblesse, si on peut dire ça comme ça, parce qu'elle en est sortie. Oui. Elle a réussi à passer au travers, mais comme on disait. Comme je disais, on revient jamais à 100%, donc finalement, il y a plusieurs affectés. Je serais pas mal insulté si on me demandait « As-tu une commotion cérébrale parce que tu t'es plus qu'à planté sur de la glace, 5 ans? » Ce serait un petit peu malaisant. Bref, Marie-Laurence, avant de se quitter, je pense qu'on devrait quand même, au moins, commençons, avant les hommages, on fait les hommages à la fin, commençons par te demander qu'est-ce que tu t'en vas faire, parce que ça a un lien avec le loisir, et je pense que tu peux nous expliquer un peu ce que tu t'en vas faire en nous laissant sauvagement à nos propres... Elle l'a facebooké, là, elle peut nous le dire. Ouais, c'est ça, exact. Je suis pas encore amie avec tous mes auditeurs. Ah, c'est ça. Une partie. Oui, en fait, moi, c'est ma dernière année universitaire. Ouais. Comme telle, j'aurais continué les chroniques encore à la session d'hiver, mais je viens d'être embauchée pour les Jeux du Québec qui vont avoir lieu à l'été 2016, en fait. Puis, dès janvier, je vais être en poste, donc je serai plus beaucoup à Trois-Rivières. De là, mon nouvel horaire et mes non-disponibilités pour ce genre d'implication-là. Et je vais être responsable du volet sécurité pour les Jeux du Québec. Donc, toute la sécurité des Jeux dépend de moi. Cool! C'est une bonne pression, ça. Ouais, c'est ça, c'est pas fait. Il n'y aura pas de commotion cérébrale. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Si tu vas l'avoir sa conscience, il y en a. Oh boy. Oui. Donc, Marie-Laurence, ben merci beaucoup. Et je pense que je devrais, moi, te laisser avec quelques petits jeux de mots, mais là, je ne les ai pas préparés. Fait que là... Oh non. OK, Marie-Laurence Audet. Au départ, je te connaissais pas encore. Mais là, Audet à part. Au départ, Audet. Puis là, c'est triste. Hein? Mais elle part pour. Un meilleur endroit, hein? Et ça, c'est Marie-Laurençon de la gloire. C'est Laurençon de la gloire. Ah oui. De te perdre, hein? Je t'avais dit que j'avais pas peur. Ouais, non, c'est... Merci Mathieu, ça me touche. Tu fais une commotion cérébrale? Sur une plaque de glace de 5 ans. Faut pas lui demander. Ouais, c'est ça, excusez. Voilà. Il s'en est sorti à 98%. C'est juste que le 2%, c'est ce qui concerne l'animation à la radio. J'avais dit que je le prendre vraiment si je te posais cette question-là. Merci Marie-Laurence. Merci à vous. 3 ans, c'est bien. J'adore ça. T'es resté loin. C'est trop petit point de 4 avec tes mains. Ouais, hein, 3 ans. J'ai besoin de tenir mon petit doigt, c'est ma corde. Ça, c'est le 2% aussi. Non, mais merci beaucoup à C'est Fou aussi pour l'opportunité. Puis merci à Mathieu. Depuis le début, je co-anime avec toi. Il y a eu différents autres co-animateurs. Ouais. Là, il y a Tania, il y a eu Stéphanie, il y a eu Jean-Philippe. Donc, merci beaucoup. Merci. Marie-Laurence Audet, peut-être te reverrons-nous un jour. On va entendre parler d'elle. Là, c'est ça, exact. On va la recevoir comme invitée spéciale. Exactement. Merci encore, madame. Merci à vous. Et bonne continuité, comme on dit dans le domaine. Ben oui, bon dit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On y va tout de suite avec les 20 prénoms les plus particuliers de 2015 au Québec. Comme c'est le cas depuis 2008, le blog Les Imparfaites propose son petit palmarès pas très fin de prénoms originaux, inusités, créatifs, pas pareils que les autres, spéciales hein, de l'année. Il faut dire que la QV 2015 n'est pas piquée des verres. Donc, voici les 20 prénoms les plus particuliers de la liste selon le journal de Québec.com. On commence en 20e position. Unique. Unique. OK. Liho. L-E-E-H-O. Charlemagne. Pas Charlemagne. Charlemagne. On a Cédéric, mais S-E-D-E-Rick. On a Rémi, mais R-A-Y-M-M-Y. On a Jérôme dans le même genre, hein? J-A-Y-R-A-U-M-E, Jérôme. On a Jacob, Jake Cobb. On a J-A-C-K-E, trait d'union, K-U-B-B, Jake Cobb. OK. On a Lou François, mais Lou, L-O-U, trait d'union François, S-O-I. Ben non, on a chié le CCD, on n'en a pas besoin. On a UEJ, je ne sais pas comment le dire, UEJ, U-E-J-S, U-E-J-S, EJ, EJ, en tout cas. En 11e position, Lilou Fée, L-I-L-O-U, traduction Fée. Ça, c'est des vrais noms, là. C'est réel, c'est pas des blagues. On a Augiac, A-U-G-I-A-Q. Ouais. Kébéric. Je pense que t'aimes le Québec, hein? Si t'appelles ton enfant Québéric, il y a pire, vous allez voir. Marcus Smiley, ça c'est un nom, Marcus Smiley. On a Lux Mania, attends un peu, Lux Maya, L-U-X-M-A-Y-A, Lux Maya. On a Gabriel, d'un coup t'es pas capable de dire tes B, moi je fais des V, fais de pète Gabriel, OK. On a Vaillant Bob. Hey, Vaillant Bob, c'est quasiment une joke, là, en 5e position. On a en 4e position la Zoie, hein? Oui, elle s'appelle Zoie. Elle s'appelle Joie? Non, elle s'appelle Zoie. Joie? Non, Zoie. Oui, Z-O-I-E, Zoie. En 3e position, vous allez voir, là, c'est les tops, là, hein? En 3e position, Cléophyte, OK, Cléophyte. En 2e position, Syphax, S-Y-P-H-A-X, pardon, Syphax. Et en première position, que vous le croyez ou non, c'est le meilleur de la journée. Et puis j'ai hâte de voir, de parler dans 18, dans 20 ans avec Vagine. Oui, vous avez compris, pas Karine, Vagine. En première position, des noms les plus what the fuck. Du monde, non, pas du monde, au Québec, simplement, il y a une fille qui s'appelle Vagine cette année. Alors, je souhaite la bonne année à Vagine parce qu'elle va en avoir besoin pour les prochaines années de bonnes années. Hein? Ici, on change de sujet. Une femme a incendié sa voiture lorsqu'elle a allumé un briquet près d'une pompe à essence. Ben oui, mais c'est toujours à faire, ça. C'est toujours recommandé de faire ça. Hein? Une femme russe a incendié le réservoir d'essence de sa voiture avec un briquet alors qu'elle faisait le plein à une station-service. Cette vidéo qui a été publiée sur YouTube montre la conductrice essayant de faire le plein de sa voiture glacée dans une station-service de la ville de Sourgout en Russie. Après avoir jeté un coup d'œil sur la pompe, elle décide d'utiliser un briquet près du bouchon d'essence de sa voiture, enflammant presque instantanément la pompe et le réservoir. Bien, hein, on est surpris. La femme tente alors désespérément d'éteindre le feu, mais lorsqu'elle enlève le pistolet du réservoir, l'essence se met à couler et la voiture s'enflamme encore plus. Bravo, championne! Toujours en vidéo assez particulière, une vidéo terrifiante montre le moment où une voiture plonge dans le bas d'une falaise. Ça s'est passé le 4 janvier de l'année dernière. L'utilisateur YouTube TurboFuzz se promenait à bord de son Subaru sur Angeles Crest Highway en Californie. TurboFuzz explique dans la description de sa vidéo que la conduite était paisible, mais la situation s'est rapidement détériorée lorsque le conducteur s'est mis à faire de la vitesse dans un tunnel. L'homme ignorait l'existence d'une courbe prononcée juste à la sortie du tunnel et roulait beaucoup trop vite. Le conducteur a appliqué les freins lorsqu'il a pris conscience du danger imminent, mais a perdu le contrôle du véhicule. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais dans le trouble, a écrit TurboFuzz. Sa voiture a alors plongé en bas de la falaise en faisant des tonneaux. Heureusement, il y avait un gros rocher qui a amorti sa chute et qui a empêché le véhicule de continuer sa descente vers le pied de la montagne. Et je cite TurboFuzz, « Je publie cette vidéo dans un effort pour aider les autres à apprendre de mes erreurs. Ceci est un rappel de demeurer sécuritaire, à être attentif et de connaître la route avant de tenter d'avoir trop de plaisir. J'ai failli à ces trois choses et j'y ai presque laissé ma vie. » Un chanceux, disons. Allez voir la vidéo, assez frappante, fracassante, disons. Macho Man Randy Savage. Macho Man Randy Savage, on s'appelle. Hein? On se rappelle de cet homme qui est un lutteur très, très connu. Hein? Eh bien, il se retrouvera dans le jeu Fallout 4. En 2011, les fans de la lutte perdaient un de leurs repères alors que Macho Man Randy Savage décédait d'une maladie coronarienne. Mais là, on vient de m'en apprendre parce que je ne savais pas que Macho Man était mort. L'année suivante, un modder lui rendait hommage en modifiant l'apparence et les rugissements des dragons du jeu culte Skyrim, une création des studios Bethesda. 4 ans plus tard, c'est Kotaku qui rapporte que le même modeur récidive, en glissant le catcheur culte dans une autre production de Bethesda, le populaire jeu vidéo Fallout. En prime, il a également déguisé son propre personnage en Hulk Hogan et a ajouté une pièce du fameux album rap de Randy Savage comme trame sonore pour tout satisfaire le joueur qui se passionne également pour la lutte. Pour télécharger le mod, eh bien, cliquez sur le lien via la page Facebook du Dîner de cons. Une fillette de 4 ans est restée collée au siège d'une toilette dans un McDonald's. Alors qu'elle utilisait la toilette seule comme une grande, la petite Kaya, une fillette de 4 ans, est restée collée sur le siège de la cuvette d'un restaurant McDonald's à Exeter, au sud de l'Angleterre. L'aléa s'est produit la veille du jour de l'an alors qu'elle et sa mère Nicole Langmead s'étaient rendues à la chaîne de restauration rapide pour le dîner. La petite fille s'est ensuite dirigée vers les toilettes toute seule à la salle de bain et quelques minutes plus tard, elle est sortie en pleurs puisqu'elle était demeurée coincée sur la selle. Mais comment qu'elle a pu sortir en pleurs? Sa mère s'est confiée à SWNC News qu'elles ont dû attendre un bon moment afin de pouvoir pénétrer dans la salle de bain. Nous étions sur le point de partir quand ces deux filles sont sorties de la salle de bain en riant. C'est ce qu'elle a confié. Je n'ai pas réfléchi. J'ai laissé Kaya, entrer par la suite. Lorsque la fillette est sortie, elle pleurait et disait à sa mère que quelque chose lui avait fait mal au derrière. La mère s'est ensuite rendue dans la cabine et a retrouvé de la colle sur le siège de la cuvette. La peau du derrière et les jambes de la jeune fille étaient écarlates et très irritées. Ses doigts aussi étaient collés. La dame, alarmée, a avisé le personnel du restaurant qui a tout de suite réconforté Kaya en lui donnant un ballon. Oh, wow! La police de Cornwall a également été interpellée. Les enquêteurs sont d'ailleurs à la recherche de deux adolescentes qui sont sorties de la salle de bain tout juste avant que la jeune fille n'entre à l'intérieur. Ben oui, ça arrive. C'est des petites ados qui ont fait des niaiseries. Aujourd'hui, elles voient la nouvelle et doivent bien en rire. On peut maintenant écouter l'album disco de Guy Lafleur en ligne. Hein? Mais là, le bonheur est rendu. Il n'y en a plus de problème. On n'a plus à rechercher rien. Le bonheur, il est là. En 79, René Lévesque accordait une subvention de 5 millions pour la rénovation du Colisée de Québec. Gilles Villeneuve rapportait le Grand Prix de Formule 1 d'Afrique du Sud et surtout, le Démon Blond faisait paraître La Fleur, un album hétéroclite disponible en anglais et en français alliant conseils du pro sur fond de musique disco. Hier, un utilisateur de YouTube téléversait la version française de l'œuvre complète. Celle-ci a ensuite été moussée sur Reddit et je vous la présente, la voici. Bien que l'album circule sur le web depuis un moment, on aura rarement eu la chance de l'écouter dans un format aussi convivial. En prime, un reportage de la CBC sur le lancement de l'œuvre où le joueur étoile affirme être un fan de disco tout en avouant être un piètre danseur. Ici, j'ai cette copie originale en main. Peut être à vendre très cher. Mon grand-père m'avait donné cet album, je l'ai encore aujourd'hui, je ne l'ai jamais écouté. Une petite annonce sur Kijiji, vous mettez toutes vos chances de côté. Alors, on écoute-tu un petit bout de La Fleur Disco? On écoute ça, voir. Let's go, mon Tigui. Allez, on va se l'avancer un peu, hein? OK, oui, on voit qu'on a du bon bouillon, là. Oh yeah! C'est vraiment mauvais, là. Puis j'étais à la veille de me tirer une balle. Donc, on va aller voir si on peut entendre Tigui un moment donné parler, là. Parce qu'il se posait nous donner des conseils de hockey avec ça, là. Bon, on vient de changer de beat. Let's go, Guy, donne-nous des... OK, là, on a des conseils. On avance un petit peu. Puis redresse-toi. Et répète l'exercice. C'est magique. On peut pousser cet exercice un peu plus loin une fois qu'on est sur la glace. OK, tiens-toi bien droit. Plie les genoux seulement. Et tire la tête et les épaules vers l'arrière. Maintenant, en utilisant seulement la main qui tient le bâton et en gardant toujours toute la palette sur la glace, commence à patiner. Choisis un point à l'autre bout de la patinoire, patine jusque-là et arrête-toi. Hey, c'est-tu assez du bonheur en canne? C'est... Tourne. Choisis un autre point à l'autre bout de la patinoire et patine jusque-là. Arrête-toi. Tourne-toi et traverse encore la glace vers un autre point que tu auras choisi. Continue à faire cet exercice-là en choisissant chaque fois un point différent et bientôt tu auras établi ton propre ensemble de repères. Maintenant, pratique à patiner en suivant le parcours que tu t'es fixé et quand tu auras maîtrisé tes points de repère, essaie de patiner avec la rondelle. Transporte la rondelle avec toi jusqu'à ton point de repère personnel et recommence aussi souvent que tu le peux. C'est comme ça que tu en arriveras à la position propice qui est si importante à ton équilibre. C'est magique. Merci, Guy. Je m'en vais sur la patinoire tout de suite. Et parlant de patinoire, j'aime mieux vous dire, à partir d'aujourd'hui, toutes les patinoires de la région de Trois-Rivières et en Mauricie devraient être ouvertes, hein, parce qu'on le sait, on n'a pas eu un début d'hiver si facile pour le patin, ni pour les petits poissons des chenaux. Hein, disons qu'il y avait une absence de froid. Eh bien, là, maintenant, c'est ouvert. Tiens donc, ici, c'est très, très, très intéressant, mais très ridicule. Eh bien, une tombola permettant de tuer un lion est organisée pour financer la recherche scientifique. Le prix a de quoi faire sourciller tous les défenseurs des animaux. Un groupe de conservation de la faune du Zimbabwe a fait la promotion d'un concours donnant la chance aux gagnants de tuer un lion. C'est comme si ça marche pas, hein? Tu veux promouvoir la conservation de la faune... Et puis, tu veux ramasser de l'argent pour protéger les animaux, mais le prix, c'est de pouvoir en tuer un. En tout cas, dans la note publiée sur son site web, le Bull by Valley Conservancy affirmait que le concours Gagne un lion a été organisé pour financer la recherche scientifique à propos, justement, des lions. On y apprenait que 100 billets sont en vente au coût de 1 500 $ US chacun. Et selon un article publié par Sky News, le gagnant a ainsi droit à un safari de 18 jours, lui permettant de repartir avec un lion trophée. Si le gagnant choisit de laisser l'animal en vie, il le pouvait. À la place, il peut se faire photographier avec celui-ci. Le lion épargné doit ensuite être muni d'un traceur à des fins de recherche scientifique et retirer des quotas de chasse. Après que cette nouvelle ait fait le tour du monde dimanche, toute promotion de son concours n'apparaissait plus sur le site du Bobeye Valley Conservancy. Donc, à partir de lundi, à la place, on retrouve une note sur la page d'accueil précisant que cette tombola est l'initiative personnelle d'un chasseur professionnel, Martin Nell, qui a passé sa vie à œuvrer pour la conservation de la faune. On y précise aussi que l'Université Oxford, avec qui l'organisme travaille sur des projets de recherche, et les directeurs du Bobeye Valley Conservancy ne sont en rien liés à ce concours. Toutefois, il est toujours possible d'acheter des billets pour cette tombola sur le site web de Martin Nell. Le gagnant sera connu le mois prochain lors du Safari Club International Convention qui se tiendra à Las Vegas. Rappelons que cette initiative survient quelques mois à peine après la mort de Cécile, le lion tué par un dentiste américain. Cet événement tragique a soulevé l'ire de l'opinion publique. Le chasseur avait payé, lui, 50 000 $US pour pouvoir abattre la vedette du plus grand parc zimbabwéen. Et là, on voit une belle photo de Cécile et de sa crinière qui n'est plus, hein? Et je vous envoie ici un article assez particulier. C'est le récit de 5 enfants qui croient s'être réincarnés. Vous allez voir, c'est assez particulier. Il dit « Je suis enterré là-bas. On m'a tiré dans les genoux. » C'est le tabloïd britannique, le Daily Mail, qui a récemment rapporté le phénomène de jeunes enfants qui pensent avoir vécu des vies antérieures. Ces garçons et fillettes, aussi jeunes que 2 ou 3 ans, révèlent des détails saisissants de leur expérience passée. Plusieurs de ces histoires ont été recueillies dans le livre intitulé « Memories of Heaven », rédigé par le conférencier et motivateur américain Wayne Dyer, décédé le 29 août 2015, à l'âge de 75 ans. Depuis, des dizaines de parents ont envoyé des histoires à la fois troublantes et surprenantes de leur propre enfant au Daily Mail, et je vous les envoie justement. Voici quelques témoignages qui ont été recueillis. Premièrement, première histoire, c'est les souvenirs d'Égypte. Quand mon fils avait 2 ans, il a commencé à parler de son autre maman. Il m'a souvent demandé quand il pourrait enfin aller la voir. J'étais abasourdi par son propos et je ne voulais pas en parler à ma fille. Je lui ai alors demandé où il a vécu et il m'a dit l'Égypte, sans hésiter, au sein d'une maison faite de boue. Quand je l'ai interrogé sur son autre maman, il m'a dit qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé parce qu'il avait été mordu par un serpent et n'a pas survécu. Il ne l'a jamais revu. Finalement, j'ai décidé d'en parler à ma fille, pensant qu'elle allait rire de la situation. Elle m'a alors affirmé qu'il lui avait déjà parlé de cette autre vie. Il a continué à en parler jusqu'à ce qu'il commence l'école. Aujourd'hui, il a 12 ans et ne se souvient plus de rien. Signé Margaret. Assez particulier tout ça. Autre histoire commence par « Je suis enterré là-bas ». Estelle, notre dernière, qui est née 16 ans après sa sœur Virginie, décédée dans un accident de la route avant sa naissance, avait des traits très similaires à sa sœur dès son jeune âge. Lorsque Estelle a eu 1 an et commençait tout juste à parler, nous roulions près du cimetière où la petite Virginie avait été enterrée. C'est la première fois que nous visitions la région depuis la naissance d'Estelle. Soudainement, venue de nulle part dans son siège de bébé, Estelle a dit « Je suis enterrée là-bas ». Et elle a pointé le cimetière qui ne pouvait être visible de la route. Le cimetière où sa sœur Virginie a été enterrée. Nous avons été choqués, mais nous n'avons rien dit. Une nuit, alors qu'elle était au lit, elle m'a regardé et m'a dit « Puis-je avoir un chapeau de paille large et une longue robe, comme j'ai eu avant mon autre maman et papa? » J'ai accepté, je lui ai demandé c'était quand. Elle m'a répondu « Ça fait longtemps, à l'époque où je vivais dans une maison au milieu d'un grand champ de fleurs. » Assez particulier. Autre histoire ici d'enfants qui rapportent des faits étranges. Eh bien, nous volons vers le ciel pour aller voir Dieu. C'est mon fils Jamie qui devait avoir environ 3 ans quand il a commencé à parler d'un petit garçon prénommé Chris. Je pensais qu'il s'agissait probablement d'un autre ami imaginaire. Il ne connaissait personne avec ce nom et à cet âge, ce n'est pas rare de s'imaginer des amis. Quand je lui ai demandé à propos de Chris, Jamie m'a dit « Chris est un petit garçon et le soir, nous volons vers le ciel pour aller voir Dieu ». Je pensais que cela était très inhabituel, parce que mon mari et moi, nous ne sommes pas particulièrement religieux. Ma belle-mère m'a alors dit qu'elle avait eu un frère décédé avant sa naissance et son nom était Chris. J'ai commandé le certificat de décès et son nom était Chris plutôt que Christopher. Il était mort à l'âge de 4 ans d'une maladie. Assez particulier. Autre petite histoire ici, j'ai déjà été mon oncle. De son premier mariage au début des années 50, mon défunt mari, Maurice, a eu un fils décédé juste avant ses 3 ans. Il y a quelques années, je me promenais avec mon petit-fils Ben, qui était alors aussi âgé de 3 ans et demi. Comme il se promenait à côté de moi, il m'a soudainement dit « Mon grand-père Maurice était mon papa quand j'étais un petit garçon avant que je décède. » hein, ça, c'est, tu te fais dire ça, OK. Ben n'avait jamais rencontré son grand-père et il ne savait certainement pas qu'il avait eu un fils décédé parce que nous n'en avions jamais discuté. Je lui ai demandé à quel âge avait Neil lors de sa mort et il m'a répondu qu'il avait 3 ans. Cela m'apporte à croire que Ben pourrait être une réincarnation de son défunt oncle. Ben est maintenant âgé de 7 ans et ne se souvient plus de rien. Et dernière histoire assez étrange hein, de réincarnation ou en tout cas de pseudo-réincarnation, on se pose la question. C'est je nettoyais cette église, c'est quand ma fille Charlotte avait 3 ans, nous étions dans la voiture et on ne pouvait pas voir les bâtiments en bordure de la route. Charlotte a alors dit à l'improviste, est-ce que vous vous rappelez quand j'avais l'habitude de nettoyer les fenêtres de l'église blanche là-bas? OK. Comme ce n'était pas la première remarque étrange que faisait ma fille, j'ai décidé d'aller à l'endroit où Charlotte m'a indiqué où l'église se trouvait. À ma grande surprise, il y avait effectivement une grande église peinte en blanc. Je lui ai depuis demandé plus de détails à ce sujet, mais elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a dit. Et vous, votre enfant, croit-il avoir été réincarné? Je vais mettre non pour le fun, mais vote, on va aller voir ça. Oui à 19%, non à 33%, et je n'ai pas d'enfant à 46%. Assez particulier tout ça. Sur ça, eh bien, on va aller écouter une pièce de notre ami Benoît Pinette, ou si vous aimez mieux, Tire le Coyote. La pièce que je vous propose, eh bien, La fille de Kamouraska, qu'on écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. Je vous invite à rester là, je suis avec vous jusqu'à 13h. S'ils sont peu nombreux, les éleveurs de liberté, les rallumeurs de feu, les chauffeurs de destinée. J'ai vu des plaies ciel ouvert et quelques nuls s'y découvert. Est-ce que le principe de l'entonnoir se fait dans le sens contraire? Elle me dit mon hamster spin comme une essoreuse à salade. Moi je ratatine malgré la meilleure des façades. Je mettrai des bâtons dans les roues de la souffrance pour désarmer avec aplomb l'état d'urgence. Faudra éviter de m'enfarger dans les fissures du temps. Parce qu'il n'y a pas que les momies qui portent des pansements. Savais-tu que l'avenir arrive toujours un peu en avance? Savais-tu que l'avenir arrive toujours un peu en avance? Sépare l'idéal de la raison. Je privoiserai la patience si c'est pas trop long. Mais la sagesse, c'est un apport, une leçon du panorama. Ici, sur

Finito! C'est fini! Finito! Merci! À la semaine prochaine! Merci beaucoup! À la semaine prochaine! Sébastien Vigato, on te retrouve tous les mercredis à 8h à Sandra. Yep! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Un homme surprend sa femme au lit avec un autre homme et publie toute la scène en vidéo. Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose. Les amants n'ont même pas eu le temps de se rhabiller. Je vous explique. Voici que quelqu'un qui n'a sûrement pas dû des bonnes fêtes, hein, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui, un homme entend des bruits suspects à l'intérieur de son appartement. Il dégaine alors son téléphone et entre d'un coup, se doutant certainement de ce qu'il va découvrir. Plus de doute possible, sa femme se retrouve avec un autre homme et tous les deux sont nus sur le canapé. Le mari est trompé et furieux, mais quand même calme. Il est juste vraiment déçu. Demande alors instantanément le divorce. S'il te plaît, laisse-moi divorcer. Non, non, gars, c'est fini entre nous. Je veux plus rien savoir. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. J'aime ma fille. La seule chose qui compte pour moi, c'est ma fille, puis que tu me donnes le divorce. S'adressant ensuite à l'homme et à sa femme, il leur fait la promesse de leur dire que cette vidéo ne sera pas vue par personne, à part par le juge. Vous ne devez pas vous tracasser. Une promesse qu'il a visiblement pas réussi à tenir, puisque l'enregistrement a été publié dimanche dernier sur la toile et compte déjà plus de 3 millions de vues. Allez voir ça. C'est ça. Quand tu t'es pogné culotte baissée, ben ça ressemble à ça. Et puis moi, je pense que c'est une bonne chose que l'homme ait mis la vidéo sur Internet. Quoique, en même temps, tout le monde sait que t'es cocu. Tu sais, je sais pas si c'est le fun de passer pour le cocu de service au niveau mondial, mais bon. Je pense pas le fun pour personne. Ici, interpellé après avoir fait développer ses photos de pédophiles à la FNAC. Ben oui, dimanche dernier, un retraité s'est rendu à la FNAC de Louvain-la-Neuve pour y faire développer ses photos, mais très rapidement, un responsable du magasin a constaté que quelque chose ne tournait pas rond. En effet, l'homme était tranquillement en train d'imprimer ses clichés à caractère pédopornographique, mettant en scène un petit garçon âgé d'une dizaine d'années. Choqué, l'employé s'est empressé d'avertir la police. Une fois identifié, l'individu domicilié à Louvain-la-Neuve a été interpellé et une perquisition a été menée à son domicile. Face aux policiers, le retraité a avoué être le grand-père de l'enfant présent sur les photos litigieuses. Ce dernier a aussitôt été placé en garde à vue le temps de pouvoir procéder à l'audition vidéo filmée de son petit-fils. Une histoire à suivre. Il y a ça, c'est assez hallucinant à voir en vidéo. C'est un taureau qui éclate de joie, littéralement, là, après avoir été libéré de ses chaînes. Ça se passe en Allemagne. L'association de défense des animaux, quelque chose du genre, s'est rendu dans une étable pour venir en aide à Bandy. C'est un taureau qui est enchaîné jour et nuit dans un espace très restreint. Libéré et transporté dans une ferme beaucoup plus accueillante, l'animal a une réaction très étonnante. Il s'est littéralement mis à sauter de joie dans la paille. Une petite séquence vidéo à voir absolument. Un policier chinois assomme une femme avec sa matraque, sa grosse matraque. Donc, en Chine, une femme a tenté de s'interposer pour empêcher l'arrestation musclée de son mari. En colère, elle a alors giflé un des policiers qui n'a pas hésité à répliquer en lui assonnant un coup violent de matraque sur la tête. Cette dernière a alors perdu connaissance avant de s'écrouler au sol. Très violent, mais en même temps... je suis loin de prendre pour les policiers, je prends jamais pour les policiers, là, mais tu sais, si tu attaques un policier, c'est clair qu'il va répliquer. S'il donne des coups d'en face, bonne chance. On a vu l'intelligence de 728, là. Et là, j'entends déjà des gens qui disent non, c'est une bonne policière. Non, c'est une conne, c'est une agressive et une violente. Les gens qui ont été séduits par Matricule 728, pauvre vous autres. Je suis gêné pour vous autres. Non, mais c'est vrai, là, sérieux, c'est une tarte. C'est une tarte, là, le matricule 728. Les gens qui ont pris cette c'est même pas une femme, là, mais ce genre d'humain vivant, là, en pitié, vous faites pitié. Bon, le basket féminin, c'est comment attirer l'attention. Et ça, vous allez le voir. Si vous allez voir la nouvelle sur la page Facebook du Dîner de con, vous allez peut-être rester quelques minutes à regarder la façon dont le basketball féminin va vous attirer. Wow! Donc, comment promouvoir un sport et attirer de nouveaux spectateurs? Eh bien, la méthode semble toute trouvée en ce qui concerne le basket féminin aux États-Unis. En effet, les matchs de la WNBA, la Women National Basket Association, peinent à remplir ces stades. Alors, deux mannequins ne se sont pas ménagés pour mettre ce sport en valeur et en string aussi. Ben, pas en string. Il y en a une qui est en string, l'autre, elle a juste une belle petite culotte, comme j'aime. Parce que le string, je trouve, c'est un peu vulgaire. Mais bon, c'est vulgaire. C'est moi qui dis ça. L'une des deux modèles, Melody Ray, ancienne joueuse de basket universitaire à l'Université du Tennessee, refute tout aspect réducteur et en tire au contraire de la fierté. « Je suis pour l'émancipation de la femme. Si s'habiller de façon sexy peut aider à promouvoir le jeu, alors je suis complètement pour. Et moi aussi, je vais peut-être même aller marcher dans la rue pour dire comment je suis pour. Hein? » Et là, c'est sûr qu'on a des gens qui sont fâchés à rien. Je trouve ça pitoyable. Se mettre en string pour attirer l'attention, c'est être ton biais bien bas, bien bas. Ouf. Là, quelqu'un répond que ce soit bas ou pas n'est pas la question. En plus de nos jours, se mettre en string, comme tu le dis, est une technique qui marche. S'il faut vraiment critiquer quelqu'un, ce serait plutôt les gens qui répondent positivement à ce genre de message avec lequel je n'ai aucun problème et qui promeuvent le coup. Et là, il y a quelqu'un qui est assez intelligent qui dit « Objection, il faut la rendre obligatoire, cette tenue. » Moi, je suis plutôt d'accord avec cette déclaration. Déclaré mort, il se réveille à la morgue et repart en soirée. Ça s'est passé en Russie, dans la région de Kansanki, dans l'est du pays. Un homme déclaré mort s'est réveillé dans la morgue où il avait été transporté puis est retourné faire la fête, comme si de rien n'était. Selon les médias locaux, l'individu se trouvait à une soirée avec des amis au cours de laquelle il a ingéré beaucoup, beaucoup trop d'alcool et notamment beaucoup de vodka. L'homme a fini par perdre connaissance et les secours qui se sont rendus sur les lieux ont tout simplement considéré l'homme comme décédé. Son corps a été transporté à la morgue la plus proche et placé dans un congélateur de l'établissement, sans doute réveillé par le froid. Le revenant a alors commencé à toquer la porte de sa cellule glaciale et a été libéré par le garde de service ce soir-là. Imagine que t'es le garde de service puis ça cogne dans le tiroir. Tu dois quand même rester un peu surpris. Plutôt que de se faire examiner à l'hôpital du coin, l'individu n'a pas traîné et s'est immédiatement rendu à la fête qu'il avait quittée précipitamment quelques heures plus tôt. Même la police, alertée par l'agent de sécurité, n'a pas eu le temps de l'interroger. Assez particulière, cette histoire. Et tiens, avant d'aller en musique, on parle de cette dame morte à cause de son addiction à son smartphone. Bravo, championne! C'est le 29 décembre dernier, dans le comté de Pingyang, en Chine, qu'une femme de 28 ans a bêtement perdu la vie alors qu'elle rentrait chez elle, totalement absorbée par son smartphone. La jeune femme est tombée dans une rivière avant de disparaître. Selon son mari, elle était accro à son téléphone qu'elle utilisait en permanence. Une vidéo à voir, mais qui est très, très choc quand même. Allez voir ça. Sur ce, eh bien, tiens, on va aller avec nos amis les trois accords. On va aller écouter la pièce « Esthéticienne » qu'on écoute tout de suite dans le Dîner de cons. Profitez-en. flatté contre le sens du poil. Elle m'a flatté contre le sens du poil. Elle m'a flatté contre le sens du poil. Je veux qu'elle me montre le sens du mal. Dans les bras de l'esthéticienne, j'ai compris des choses. Elle m'a enlevé chaque brin de peine à tout de ces choses. Dans les bras de l'esthéticienne, dans les bras de l'esthéticienne, dans les bras de l'esthéticienne. L'esthéticienne des trois accords, hein, tiré de leur dernier album, Joie d'être gay. On est bien heureux d'être de bonne humeur, nous aussi. Sur ce, il est midi 42, on continue dans nos nouvelles. Il nous reste encore un beau 15-17 minutes de bonheur ensemble. Je vous parle de légalisation de la marijuana. Le militant Dana Larson envoie un gramme de cannabis à chaque député libéral du Canada. La boîte aux lettres de Justin Trudeau aura bientôt une belle odeur, hein, une drôle d'odeur. Pour un premier ministre. Dana Larson, un militant pro-marijuana originaire de la Colombie-Britannique, a envoyé à chacun des 184 députés libéraux une copie de son livre sur l'histoire du cannabis ainsi qu'un beau petit gramme de cette drogue. Ce n'est pas légal d'envoyer de l'herbe par la poste, mais la plupart des lois sur la marijuana sont faites pour être brisées, a déclaré Larson au quotidien local de Province. À son avis, aucun député n'osera appeler la police à propos de son colis. Enfin, il espère qu'ils fumeront un joint tout en lisant son livre sur la plante que le premier ministre a bien l'intention de légaliser. Le militant précise qu'aucun élu ne lui a répondu ou l'a remercié pour ses cadeaux de bienvenue. Ça lui a coûté quand même 184 grammes, hein, plus des livres à tout le monde. Au moment de publier, il n'avait pas encore répondu aux demandes d'entrevue du Huffington Post. Ce n'est pas la première fois que Larson envoie de la marijuana à des politiciens. En 2014, la première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, a eu droit à un beau 14 grammes, une façon d'apaiser les tensions entre le gouvernement et les professeurs en grève, selon le militant. Si la légalisation de la marijuana figure parmi ses priorités, Justin Trudeau a toutefois été invité à prendre son temps, selon des notes internes obtenues par la presse canadienne, grâce à la loi d'accès à l'information. Des fonctionnaires fédéraux ont averti que le premier ministre que les provinces avaient leur mot à dire, puisqu'elles sont responsables des dossiers touchant la santé. Pour coordonner une approche avec les provinces et les territoires, il faudrait mener des consultations détaillées et prévoir suffisamment de temps pour une mise en œuvre coordonnée, écrivent les conseillers. Les libéraux veulent mettre sur pied un groupe de travail pour mener les consultations à travers le pays. Effectivement, on en parle, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge là-dessus. Tout le reste, à date, ça bouge pas mal vite. Là-dessus, on n'a pas dit qu'on le ferait pas, mais on reste assez silencieux. Je pense pas qu'il va pouvoir s'en sauver. Hein? Justin, tu nous en as trop parlé du pote. Tu nous en as parlé dans toutes les tribunes. Tu en as parlé même au discours du trône. Alors, si tu essaies de t'en sauver, il faudrait pas. Ici, je vous envoie quelques exemples de lois sur le cannabis dans le monde. Par exemple, en Uruguay, hein, malgré des retards dans l'implantation des nouvelles lois, l'Uruguay est devenu un précurseur dans la légalisation du cannabis en 2013. La légalisation ressemble à celle des États-Unis, qui ont fait même voir plus loin avec le droit de posséder. De faire pousser un certain nombre de plants chez soi et la possibilité de créer des clubs ou des coopératives pour les plus grosses quantités. L'Uruguay a été le premier pays à légaliser la mari sur l'ensemble de son territoire. C'est un peu l'exemple de l'Uruguay, donc, qu'il faudrait prendre. En Espagne, la consommation de cannabis en privé n'est pas illégale. Bonne idée. Aux États-Unis, la situation américaine est assez complexe et il faut d'abord savoir qu'au niveau fédéral, le cannabis est illégal. Toutefois, le gouvernement central permet aux États de décriminaliser cette substance si des mécanismes de régulation sont mis en place. Ainsi, l'État de Washington, l'Alaska, l'Oregon et le Colorado ont décriminalisé le pot, qui peut donc être vendu légalement pour un usage récréatif. La ville de Portland, dans le Maine, a aussi légalisé cette drogue, mais pas l'État dans lequel elle est située. La production en grande quantité est tout de même régulée par un permis commercial. Assez particulier que la ville de Portland, t'as pas le droit, il n'y a pas de trouble, c'est légal, mais dans tout le reste de l'État, non. Il doit y avoir beaucoup de trafic vers Portland. D'autres États, comme la Californie, l'Arizona et la Géorgie, permettent le cannabis à usage médical, Et même ici, on le permet, mais c'est pas vrai. C'est complètement de la poudre aux yeux. Personne n'a le droit ici au Canada puis au Québec. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont le droit, mais c'est de la crosse totalement. Et les médecins ne veulent pas être associés à ça. Même quand on connaît des médecins, on a des problèmes et qu'on pourrait avoir droit à cette substance. La plupart des médecins sont chiches et sont chiants. Ben, comme un médecin, finalement. Et puis, ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas eux qui vont prendre la substance, mais ils veulent pas être responsables de je ne sais quoi trop. Finalement, des États comme l'Indiana, le Kansas et le Dakota du Sud prohibent totalement, eux, le cannabis. Ben là, c'est sûr, hein? Kansas puis Dakota du Sud. Hein? Le Bible Belt, on n'est pas loin. Sinon, autre endroit, la Suisse. En 2012, la Suisse a décriminalisé les possessions de marijuana pour des quantités inférieures à 10 grammes. Être pris à consommer une faible quantité est une infraction qui ne se retrouvera pas au casier judiciaire du contrevenant. Toutefois, une amende de 100 francs suisses, ou ce qui représente 135 dollars canadiens, peut être décernée. Mais il n'y a pas de problème là, légal. Aux Pays-Bas, contrairement à la croyance populaire, les drogues ne sont pas légales aux Pays-Bas. Le gouvernement du pays a plutôt décidé d'encadrer l'usage des drogues dites douces au premier plan, le cannabis. Ainsi, des magasins appelés coffee shop peuvent vendre jusqu'à 5 grammes de marijuana par jour par client. Les acheteurs doivent avoir au moins 18 ans, bien entendu. L'objectif de cette politique est de contrôler une substance qu'il ne serait pas réaliste de tenter d'éliminer entièrement. Cette approche pragmatique a eu un grand écho dans le monde, si bien que de nombreux touristes vont à Amsterdam pour visiter ces fameux coffee shops. N'essayez pas de sortir du pays avec de la drogue ou de vous procurer d'autres substances toutefois. Désolé, là, je ne veux pas le dire, là, mais je suis allé en Hollande et puis j'en ai ramené toute une grosse quantité, pas au Canada, bien sûr, j'aurais jamais pris l'avion avec... Moi, j'habitais à Bruxelles, j'habitais en Belgique juste à côté et puis je veux juste vous dire que tous les Belges, tous les pays qui sont limitrophes des Pays-Bas, eh bien désolé, mais il n'y a pas vraiment de douane. Donc, tu rentres dans le train, tu rentres dans le train à la gare d'Amsterdam avec la quantité de potes que tu veux, et tu ressors à la gare centrale ou à la gare, peu importe laquelle, gare du Sud ou peu importe, à Bruxelles, avec ta quantité de potes, et puis tu peux aller fumer sans problème. Et puis en Belgique, ben c'est pas légal, mais c'est très, très, très, très, très, très, très, très facilement toléré. Nous, on fumait partout, dehors, n'importe où. Et puis, j'ai jamais vu quelqu'un qui a eu des problèmes avec le cannabis en Belgique. La Corée du Nord, évidemment, puisqu'il s'agit de la Corée du Nord, il est difficile de savoir si ces informations sont totalement véridiques. Sous Kim Jong-un, le cannabis serait pas considéré comme étant une drogue. Un texte de Bohemian Blog a synthétisé plusieurs informations contradictoires à ce sujet. Donc, ça reste très mystérieux. Au Bangladesh, c'est le seul pays asiatique où il est officiellement légal de posséder et de consommer de la marijuana si on exclut la Corée du Nord à cause d'incertitudes autour de cette loi. La Jamaïque, autre endroit que j'ai visité, je sais pas pourquoi, souvent associé au cannabis, ce pays a décriminalisé la substance. Il est donc possible d'en faire pousser pour un usage personnel, 5 plants par personne. Il n'est pas criminel d'en avoir en sa possession jusqu'à 2 onces, ce qui représente 56 grammes. Il est aussi permis de cultiver et de distribuer de la marijuana à des fins médicinales ou religieuses. Ces lois ont été mises en place afin de respecter les droits constitutionnels de la communauté Rastafari. Bonne idée. En Allemagne, comme bien des endroits dans le monde, l'Allemagne a légalisé la marijuana pour un usage médical à condition d'obtenir la permission d'une institution fédérale mise en place et tolère en général la possession de petites quantités. La définition de petite quantité variant de un Land, un des États fédérés formant l'Allemagne, à l'autre, c'est-à-dire que la poursuite sont presque systématiquement abandonnées. La consommation est, dans tous les cas, légale. Bravo, Allemagne! Et là, la suite, c'est pour le Canada. On verra ce qu'il en est. Ici, très, très intéressant, une vidéo absolument à voir. Ce sont des lesbiennes qui touchent un pénis pour la première fois. Eh bien oui, la dernière chose que les lesbiennes s'attendent à avoir entre leurs mains, c'est un pénis. Et c'est justement le sujet de cette vidéo tout aussi drôle que révélatrice. Par contre, moi, je trouve ça un peu particulier. Pour connaître plusieurs lesbiennes, la plupart se sont déjà essayées avec des messieurs. Fait que ça doit être assez rare de trouver des lesbiennes qui n'ont jamais toucher un pénis. Moi, je pense que la recherche doit être là. La difficulté doit être là. Mais bon, c'est Bria et Christy qui se décrivent elles-mêmes comme un couple lesbien qui chante. On réunit quelques amis pour voir ce qui se passe quand des femmes qui aiment les femmes se retrouvent à faire quelque chose qu'elles n'ont jamais pensé faire ou jamais voulu faire. Inutile de dire qu'il y a de l'appréhension dans l'air. J'ai parlé en public et je déteste parler en public. J'ai presque été renversée par une voiture, mais je n'ai clairement jamais été aussi nerveuse, déclare l'une des femmes avant d'empoigner le pénis témoin. J'ai l'impression que j'ai passé ma vie à éviter ce moment, confie une autre participante. Ça, c'est très drôle. Dans, ça, c'est, dans le fond, elle est lesbienne, peut-être juste par la peur du pénis. Hein? Pour vrai. La YouTubeuse Arielle Scarcella, qui participe aussi à la vidéo, a déclaré au Huffington Post américain « Je voulais le faire pour prouver au monde que tous les corps sont beaux et qu'on n'est pas forcément attiré par tous, mais qu'on peut tout de même les apprécier. » On vous laisse découvrir l'expérience dans la vidéo ci-dessus. Bria et Christy, dernièrement la chaîne YouTube de Human Experiment, qui aime mettre en scène des anonymes dans des situations inédites, a demandé à des lesbiennes d'embrasser des hommes hétérosexuels pour la première fois. Les liens sont là aussi pour voir. Ne vous gênez pas, allez-y. Là, ici, en bas de cet article-là, qui n'était pas pantoute prévu, mais qui me fait bien rire, on nous met les pires inventions en matière de mode. Eh bien, première des pires inventions en matière de mode, c'est le jeans. Le jeans qui, lui, dans le noir, on peut s'attendre que c'est pas écœurant. On a les condons à talons. Pour habiller vos talons hauts, vous pouvez rajouter genre de gaine par-dessus vos talons hauts. C'est vraiment très laid. Autre truc très, très laid, les tatouages temporaires pour les lèvres. Eh bien oui, ça a l'air que ça existe. On a les couvertures de décolleté. Oui, ça, c'est... Ah oui, on a vu ça. Un genre de décolleté qui s'accroche en dessous de notre chandail. Bien, pas pour nous, là, mais pour les femmes qui aiment montrer leur crack, mais qui... Ou en tout cas, qui se sentent obligées de ne pas le faire ou de le faire. C'est un genre de nappe. Un genre de tissu qui se met dessous le chemisier, c'est atroce. Vous irez voir ça, c'est bien sympathique. Sinon, autre nouvelle, il viole une jeune femme et diffuse des images sur Snapchat. Bravo champion! C'est ridicule. Ben déjà, un viol, ça n'a pas de bon sens, mais d'envoyer ces images sur Snapchat. En tout cas, les nombreux signalements des internautes ont donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire à Envry, mais ensuite à un nouveau signalement effectué auprès des services du commissariat de Perpignan. Dans la nuit de dimanche à lundi, les policiers catalans ont réussi à localiser et interpeller les deux suspects vers 4 heures du matin. Au moment de l'arrestation, la jeune fille de 19 ans a également été découverte sur les lieux. Une jeune fille, en état de choc extrême, elle a immédiatement été évacuée au centre hospitalier de Perpignan. Les deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été placés, eux, en garde à vue pour viol aggravé. Sur sa page Facebook, l'un des deux suspects présumés affirme, vidéo à l'appui, que son bracelet électronique lui a été retiré le 10 novembre dernier. Tu vois tout de suite que c'est un débile. C'est un violeur en série. Un des autres violeurs de Gringy venait de bénéficier d'un aménagement de la peine. Lui, on l'avait libéré, mon petit gars. On a dit « Hey, t'es fin, on va te libérer. » C'est honteux. On leur donne tout et voilà ce que ça fait. Des gros connards. Et bien sûr, on les laisse en liberté. Ça, c'est certains internautes qui ont ajouté quelques petits commentaires qui étaient bien précis. Si vous voulez la nouvelle du jour ridicule, le petit truc « what the fuck », vraiment, et puis ça, je l'avais mis pour ma copine qui aime les vidéos de chats. On connaissait les chats, on connaissait les chimpanzés. Voici une nouvelle espèce, le chat-panzé. Afin de créer une nouvelle espèce placée sous le signe du singe dans le zodiaque sino-japonais, un homme a eu l'idée de déguiser son chat en primate. Ajoutez à cela une banane entre les pattes de Minou et vous obtenez cette vidéo totalement what the fuck. Eh ben oui, et puis vous aurez dit que vous l'avez vu ici. Un robot qui pourra accompagner vos nuits d'ivresse, et puis c'est sa seule fonction. C'est en 2012 à Noël que le Coréen Eun-chan Park, contraint de réveillonner en solitaire, il a pris conscience de la tristesse qu'il éprouvait à boire seul. Une pensée qui a excité son imagination autant que son goût pour la robotique pour mettre au point Drinky, un robot à la bouille craquante dont l'unique fonction est de recevoir des gorgées d'alcool qu'il fait ensuite descendre d'un geste précis tout au fond de sa gorge de métal, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. À la fois un petit chef-d'œuvre technologique et le symbole de la passion humaine pour l'inutile, Drinky a récemment attiré l'attention d'un musée d'art de Séoul, comme l'explique le site Motherboard. Une consécration pour ce charmant camarade de beuverie éternellement libre de toute gueule de bois. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération, si... À moins de faire boire Drinky qui est fait exprès pour ça. Lui, il se saoule jamais. Et puis, tiens donc, on finit ça avec cette petite nouvelle. Oui, on va finir avec cette nouvelle. Pourquoi ça jam? OK, juste pour faire bien à la fin. Hein. On a King Kong. Saviez-vous que King Kong a bel et bien existé, mais il y a un million d'années? C'est le Gigantopithèque, un singe géant aux allures de King Kong qui a disparu de la surface de la Terre il y a un million d'années en raison de son incapacité à s'adapter aux changements environnementaux. Mesurant 2 à 3 mètres de haut pour 200 à 500 kilos, il restera sûrement le plus grand singe de l'histoire de la planète. Les restes du Gigantopithèque dont on dispose se limitent à 4 mâchoires inférieure et à des centaines, voire des milliers de dents isolées. Les chercheurs disposent de peu d'informations sur ce monstre. C'est clairement insuffisant pour dire que l'animal était bipède ou quadripède ou même s'imaginer des proportions. OK. Donc, ça c'est le Centre de Sankenberg pour l'évolution humaine et paléo-environnementale, co-auteur de cette étude publiée sur le site de la revue Quaternary International qui publiait ça. Certains le présentent comme un orang-outan surdimensionné, ce qui est l'option choisie pour le roi Louis, le roi des singes qui kidnappe Mowgli dans le Livre de la jungle, un film qui sortira en mars, mais pour d'autres, on le dépeint comme un gorille de couleur noire. Avec une équipe de chercheurs internationaux, Hervé Butcheren a étudié l'émail des dents. Hey, émail, là, ça ressemble pas mal à email, hein? Du géant, mettant en évidence qu'il vivait exclusivement dans la forêt. Les premières dents de Gigantopithèque ont été retrouvées dans les années 1930 parmi les dents de dragon, vendues comme remède dans une pharmacie chinoise. Nos résultats indiquent que ces grands primates vivaient uniquement dans les forêts, y tirant leur nourriture. Pour les chercheurs, la taille du Gigantopithèque et le fait qu'il se cantonnait à un seul type d'habitat ont entraîné son extinction. Pourtant, les proches de ce grand singe, comme Laurent temps sont toujours là, alors qu'eux ne vivent que dans des forêts. Ils ont alors un métabolisme lent et sont capables de survivre avec peu de nourriture. En raison de sa taille, le Gigantopithèque avait heureusement besoin d'une grande quantité de nourriture. Ben, pas heureusement, malheureusement. Hein? Or, au Pléistocène, de 2,5 millions d'années à 9600 ans avant notre ère, beaucoup de zones boisées se sont transformées en savanes herbeuses, fournissant une alimentation insuffisante pour le singe géant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. J'ai décidé moi-même, Mathieu Plante, de garder Pénélope Bergeron-Lavalée avec nous. Ben oui, pour participer à sa chronique préférée, j'imagine, la numéro 1 à égalité avec toutes les autres chroniques. C'est ça qu'elle a dit à l'extérieur des ondes. C'est elle ça. Mais c'est la chronique dans laquelle on peut le plus participer, je pense. Je crois qu'il y a un très, très grand niveau de participation. À part dire, ouais, c'est cool. Ah, il l'a ça en gris. Je ouais, non, c'est ça. Neutre. Ou ben, moi, je serais pas ses fesses, ses oiseaux, je sais pas trop quoi. T'sais. C'était les perroquets. Les perroquets, okay. C'est. Ouais. Bref, Tania. Hein? Arrête de m'attaquer. C'est ça. Elle aimait pas mon fesse et perroquet. On va en reparler mille fois dessus. C'est sûr. Je pense. C'est sûr, je pense que ça va rester. C'est pas grave. Ce qu'on veut faire le matin comme ça, comme les chiens qui aboient dans notre thème d'aujourd'hui. Ouais, on cherchait. Par les résidus plasmiques. Il y a des crapauds aussi, il y a des grenouilles, des chats aussi dans ce fond-là. Bravo pour l'arrangement sonore. C'est charmant. C'est par les résidus plasmiques aujourd'hui notre thème qui change tous les jours, comme vous pouvez l'entendre. Pendant le mois de janvier. Pendant le mois de janvier. Il n'y aura pas 25 non plus, mais quand même. Oui. Donc, comme un chien qui va japper, il veut des restants de table. Et notre chronique sur les restants de table s'appelle Une grosse pointe. C'est une grosse pointe d'adresse, la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire acheté en dépanneur ou en magasin, quelque chose qu'on a acheté dans une rangée pas de classe, là où des gens pas de classe se retrouvent. On parle pas contre les gens pas de classe, là, c'est notre public cible quand même. Non, c'est pas bon. Donc, c'est une grosse pointe d'adresse, on va parler de nouvelles de fast-food aussi dans quelques minutes. Mais avant ça, pour débuter la chronique, c'est toujours le moment où on goûte à ce produit-là du tiroir. Et il est toujours en dessous de la table. Pas dans un tiroir. Pas dans un tiroir, non, c'est pas l'endroit non plus où co-anime Tania, genre en dessous de la table. En dessous de la table. C'est pas là. Promis que non. Bon, c'est un produit, en fait, je dois vous avouer que quand je l'ai acheté, j'en ai parlé à quelques personnes qui me disaient tout. Non, mais là, tu vas en manger tout de suite pour me dire comment ça. Tu sais, qu'est-ce que ça goûte pour que j'aille en chercher tantôt à l'épicerie. Là, j'étais comme, non, je vais garder pour la chronique. Ah non, t'achèteras d'autres choses pour la chronique. Non, je veux que ce soit ça pour la chronique parce que ça a l'air trop bon. Ok. Là, je mets la barre haute, hein. Ouais, oui, très haut. Là, tu m'as dit que c'était à tartiner. Est-ce que tu as un couteau? Oui, j'ai un couteau. J'ai apporté du couteau. Non, mais je suis tellement. D'habitude, je suis pas très très fort sur amener les affaires qu'il faut. Là. Sur planifier. J'ai même amené des tranches de pain. Waouh! Hey, Mathieu, je suis fière de toi. Que j'ai pris avec des pinces, évidemment, parce ta que je suis. Hein? Je suis quand même prévoyant. Méticuleux. Et tout le pas. Surtout sinistreux. Et ouais. C'est emballé dans du plastique, donc je ne peux pas mettre de microbes dessus. C'est et voilà, ça? C'est parfait. Donc, une tartinade au croquant au chocolat. Croquant au chocolat. Si vous avez déjà vu dans la vie, ça existe le spéculoos. Vous avez déjà vu ça en épicerie, spéculoos. Ça sonne vraiment trop comme spéculum à mon goût, mais... Oui, en effet. Vas-y. C'est gars, hein? T'as la tête ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais non, mais là, excuse-moi, là, mais spéculoos, à moins d'être ça une... Ah, ça sonne Harry Potter. Aussi, là, à Harry moins Potter. D'être une formule magique d'Harry Potter. Oui. C'est un bon point, ça. Bref, donc, c'est par Irrésistible, donc c'est la marque chez Metro, ça. OK, pour ceux oui. Qui cherchent. Croquant au chocolat, spéculoos, comme je mentionnais, c'était une tartinade de biscuits. Donc, c'est vraiment des biscuits okay. Que tu peux tartiner. Ça goûte le biscuit pareil, comme genre biscuit pas pain d'épices, mais similaire à ça. Mais ici, croquant au chocolat, j'imagine que ça va goûter, comme le dirait l'image, les biscuits aux pépites de chocolat. Ah, probablement. C'est tellement bon. Ça va être très, très bon. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'emballage, autre que ça a été préparé pour les marques Metro. On peut comprendre. Ça contient, pour ceux qui sont allergiques, attention, blé, avoine et lait. Okay. Peut contenir des arachides, des noix, des œufs et du soya. C'est fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés. Et le premier ingrédient, c'est étrangement, chocolat. Non, c'est morceaux de biscuit. Ah oh, ouais. C'est fort quand même. Ben, peut-être pour le petit croquant. Ouais, d'après moi aussi. Cacao, noix de coco, plein de choses comme ça. Le décor dessus, c'est des petites, je dirais des petites feuilles. Je comprends pas trop pourquoi c'est ça, mais on dirait des petites feuilles de fleurs, je pense. Ah, ben oui. Des petits copeaux de fleurs. Je sais pas ce que c'est supposé représenter, mais ça fait un beau je petit pattern. C'est peut-être le même pour toutes les peaux. Peut-être, peut-être. Peu importe la saveur. Le pain, lui, ben c'est j'ai pris du pain moelleux gadois. OK. Je m'étais acheté du pain... comment t'appelles ça? C'est quoi la région, là? Toscana. Oui, le nouveau Toscana. Pain Toscana, qui est super bon, mais je trouvais que vu qu'il était à l'huile d'olive, je me suis dit que ça allait un petit peu cracher. Ouais. Donc, j'ai pris le pain le plus nature possible. Et puis, j'ai mon couteau dans le sac. Pain blanc. C'est tellement bon pour ce genre de tartinade-là. Oui, moi, j'adore le pain brun, blé entier, tout ça. Mais pour ce qui est de tartinade, je m'excuse, là, mais du blé entier, ouais. Non, on va pas assez. Ça là. Pas pain blanc, ton, c'est de ton pain là, aux 14 céréales, oui. Et ta tartinade. Tu ne prends plus ton chocolat. Moi, je suis un peu plus pêle. Ton croquant, il ne viendra même pas du chocolat, il va venir de ton pain. C'est plus quinoa. Ouais, exact. OK, donc je te lance, comme j'aime les le faire, de pain, les tranches de pain, le plus d'en face possible, OK? Ça vas-y. Va. Hey, c'est réussi! Mais là, le couteau! Ouais. Vas-y pour le couteau! Je vais l'attraper, moi! Attention! Et bon, hein. C'est un couteau en plastique. C'est un couteau quand même assez solide, hein, en plastique. Oui, c'est un couteau pour, qui s'imbrique avec une fourchette. Puis une. C'est un produit Tupperware de Stéphanie Paradis dans le temps. Ah, OK. Ouais. Bon, Stéphanie, c'est Mathieu qui a ton couteau. Ben non, mais c'est parce qu'elle l'a donné. Ah, OK. Là, ça pitch-le pas. Non, je te le lance pas. Je vais te le glisser à travers le corridor où les accidents sont toujours impossibles. tout à fait impossible. Je l'avais dit. Mais oui. Pénélope. Oui. Le dégât était impossible. Donc. Ça a passé proche, mais ouais, c'était vraiment pas fort, ça. Que voulez-vous, c'est le risque du métier. C'est pour ça qu'on fait ça de ce bord-là de la table. Donc, le pot, on va l'ouvrir dans le micro magique. Et là, si vous trouviez qu'il y avait de l'écho tantôt avec Pénélope pendant son segment, attention, ça va être l'enfer. Ça visse longtemps, ça? OK. C'est un pot à la Nutella, un peu. Je dois avouer que le sac de chips Doritos, là, j'avais hâte que vous l'ouvriez. Ça a été long? Oui. Ah, oh, je me suis mis le doigt dedans, là. Ah, Tania, je fais exprès, en plus, pour tout rendre ça propre. Là. Mais j'ai des ongles, c'est pas de ma faute. C'est pas la faute des filles. Mais oui. Là, la question, Mathieu, est-ce qu'elle va le... Ouais, c'est avec ça, là. Le doigt. Là, je suis comme, est-ce que je le lèche ou comme j'attends? Attends, j'ai des Kleenex. Moi aussi, j'en ai. Prends des Kleenex pour t'essuyer. OK. Bon. Faisons la meilleure radio possible en t'essuyant les doigts en nom. Moi, est-ce que je peux ouvrir les doigts en nom? Oui, peux-tu ouvrir le sac de... Oui, ben oui, vas-y. ...de pain blanc? Elle a toujours voulu essayer le micro magique. Oui. Fait caméra 3, s'il vous plaît. Caméra 3. Oh, hey, c'est un vrai ziploc de la marque. Oui, c'est ça. C'était très ziploc. Ça sentait pas le, on n'entendait pas le chief. Là. C'était vraiment un ziploc. C'est un double fermeturé. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai pas la grippe. Non. Est-ce que vous me permettez? Oui, vas-y. Oui, certainement. C'est un sac très serré, là, de la même grandeur que la tranche. Ouais, c'est ça. Bon. Je vais te prêter le couteau, à moins que... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, là? Mais gâtez-vous, les filles. Pour vrai, j'ai amené juste deux tranches, parce que je savais pas pour que Pénélope serait là, mais... Non, mais on va les couper. Mais là, je pensais pas ouais. manger une tartine à moutre, ça. Non, moi non plus. Nous, on va la séparer en deux. C'est une très bonne idée, Pénélope. Mathieu va prendre l'autre. Là, je viens avec quand même une bonne... bonne pelletée. Bonne ça a pelletée. La consistance de quoi, mettons? Du Nutella. Ouais, c'est bon. Ben, je dirais peut-être un petit peu plus que du Nutella okay. encore. Plus solide un peu? Plus solide okay. que du Nutella. Je dirais que le Nutella a l'air un petit peu plus, pas liquide, mais crémeux peut-être. Oui, mais plus huileux, je trouve, le ouais, Nutella. Ouais, voilà. Une petite couche d'huile sur le dessus des fois. Je pense que c'est à cause des petites noisettes. Ça doit être sien. Moi, je t'avouerais que sur du pain grillé, ouais. ça doit être très ça bon. Ça doit être très bon, puis t'es Mathieu, vite aussi. Mathieu, ça tartine-tu au complet? Ah, tu peux te tartiner ça en masse, tartine-moi ça. Tu sais, ça l'évite de faire du scrunch-scrum dans ouais, le ouais. pain, les trous. C'est comme du beurre dur. C'est ça, ça fait pas des petits monts évalés dans ton mais, pain. Mais je suis d'accord. Ouais. Mais là, tu vas tellement délicatement. Ben, j'ai vraiment peur de faire des trous dans le pain. Non, mais là, calme-toi. Vraiment. Prends pas 20 minutes à tartiner le pain. On non, t'a non, radio. Non, non, non. Premier, okay. j'ai fini de te tartiner le pain. Mets-moi ça sur le communiqué de presse du Carrefour, je ne sens pas. Une pointe de tendresse. Voilà. Mais c'est fin, hein? C'est fin. Il faut bien que ça serve, cette feuille-là. Ben oui, c'est du recyclage. Tendresse. Nous, on va faire une moitié chaque. Oui. Je vais quand même en reprendre parce que là, j'ai dû en reprendre. Est-ce que je peux sentir? Oui, sans. Ben oui, on n'a pas senti, mon Dieu, quand j'ai ouvert le pot. J'avoue que l'odeur avec les sinus qu'on c'est a... C'est ça, moi, de toute façon, je sens rien présentement. Tu vas être notre nez. Je vais être votre nez. Oui. Ça sent le Nutella. T'as ouais. le nez dans ton prénom en passant. Pénélope, c'est d'ailleurs, drôle. Mon surnom, c'est Nélo. Nélo, oh, oui. c'est cute, j'aime ça. J'aime ça, moi, les surnoms qui sont pas le début du nom. Comme, ouais. comme Drin pour Alexandrine, tu sais. Plus original que c'est les vrai. Premiers. Je dois avouer que ça a pas l'air croquant, par exemple, quand non, tu tartines. Non, pas du tout. Ça sent pas du tout le croquant. Non, OK. T'es vraiment la fille qui tartine le plus lentement au monde. Je fais bien ma job. T'es un petit peu trop attentionnée, je trouve, sur le tartinage. Pointe de tendresse. Tendresse. Voilà. Tendresse. Voilà, Pénélope. Wow. Une grosse pointe de tendresse. C'est vraiment rendu une grosse pointe de tendresse. Est-ce que tu veux ton couteau maintenant? Garde le pot de ton bar, s'il te plaît. Plante-le dans le pot. Voir si c'est consistant. Okay. Tu veux que je fasse ça? Non. On est prêt okay. à goûter? Oui, attends, je vais juste fermer le pot pour pas faire de dégâts. Ben non, parce que le dégât est si vite arrivé comme on a vu tantôt. Ouais, voilà. Est-ce que je plie ma tartine en deux pour voir? Hey, moi, dans la vie, ça, là, ça va être bon. C'est parce que moi, dans la vie, là, je mange mes tons. En commençant par la croûte, puis après, je mange le reste. C'est vraiment spécial, toi. Non, mais là, fait que je suis comme toute dégâts. Non, mais fais-le. Mais moi aussi, je suis un peu... déboussolée parce que d'habitude je trempe ça dans mon quick. Ben voyons donc! Hey, faut ils sont jamais contentes ces filles-là! Les vraies filles! Ok, on y va! On y va? Ok, on goûte. Okay. Croquant où, là? Je vois pas le croquant. Mais il y a comme un petit peu du sable, tu sais. Non, c'est ça, okay. le croquant. Un croquant subtil. Je vais prendre un milieu de tartine, le milieu comme ça. Ouais, mais moi aussi, ouais, moi aussi, j'ai commencé par la croûte, mais là, le milieu, il chante pas plus croquant. Ferme-le en deux. Mm-hmm. Je pense que ça va être. T'as raison, c'est un petit peu sableux. Ouais, un petit peu granuleux. Ça goûte le chocolat Nutella, je trouve pas que ça goûte le oui, biscuit tant non, que ça. Non, pas du tout. C'est censé goûter le biscuit? Ouais. Attends, je le goûte un peu peut-être. Biscuit à tartiner, c'est vraiment ce qu'ils disent. C'est très très bon, pour vrai. C'est très bon. Mais sais-tu ce que c'est supposé être? Pas sûr. Est-ce que toi, c'est toi qui l'as acheté, donc tu sais un peu le prix. Est-ce que ça équivaut à du Nutella en petit pot? Parce que sérieux, moi, je trouve que c'est du Nutella. Ouais. Moi, j'ai pris en photo. On va chercher un petit peu. Attends. Non, je l'ai pas. J'ai juste le produit. Je dois avouer que quand que tu refermes ta tartine sur elle-même, que tu la plies, le croquant est plus là. Oui. Mais encore là. Mais encore là, il est pas... Parce que... Pour ceux qui ont goûté à du spéculoos, parce que dans le fond, la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est que je cherchais du spéculoos. Okay. Parce que je me rappelle en avoir acheté par le passé, et que je trouvais ça très très bon. Petit goût de pain d'épices, c'est vraiment excellent. Donc je me disais, bon, ils n'ont pas chez Metro, mais ils ont ça. Donc j'ai pris ça en me disant que ça allait ressembler à l'autre, et c'est pas le cas du tout. Moi je vous dirais, non. À place d'acheter ça, mais vous pouvez l'acheter aussi parce qu'en effet, ça goûte le Nutella, puis ça doit être un petit peu moins cher. Achetez-le quand même, mais pas pour le but que vous pensez avoir. Mais cherchez du spéculoos. Ok. Ça existe en épicerie, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà acheté. Ça s'appelle bon. Spéculoos. S-P-E-C-U-L-O-O-S. Ok. Cherchez ça. Ça, ça vaut la peine. Ben, ça sent en plus. Mais y a-tu plusieurs saveurs dans ton Spéculoos ridiculous? C'est pas mal. C'est pas mal juste au biscuit que j'ai vu moi, en tout cas, en épicerie. Biscuit pain d'épices. Ouais, pas mal. Okay. Pas mal. Tu sais, les vrais biscuits. comment? C'est dur à décrire. Mais c'est pas du chocolat, là. C'est vraiment comme une tartine de pain d'épices. C'est comme si t'avais vraiment broyé un biscuit que tu pouvais le tartiner. Un petit biscuit dans Shrek. Excusez, j'ai des enfants. T'as pas le choix de me faire rire avec ça. Non, le croquant est pas là, par exemple. Non, j'étais un peu déçu. Moi, je mets mon pouce en bas, c'est dommage, là, mais... Avec des gros morceaux de croquant, là, ça aurait été bon. Je m'attendais vraiment à ça. Tu sais, comme, je sais pas, placement de produit encore, restaurant Saint-Hubert, le brownies. Ah. Tu sais, moi, je m'attendais à du chunky, là, ça aurait été ça qu'il y en aurait voulu. Les gros morceaux de chocolat, c'est tellement bon. Ouais, ça, je pensais que c'était ça que tu m'aurais sorti. Tu sais, des morceaux de biscuits, parce que là, ça dit que c'est des biscuits à tartiner à saveur de croquant au chocolat. Ouais. Mais c'est pas ça du tout. Non. C'est bizarre parce que, puis là je vais être un petit peu méchant, mais c'est pas la première fois que j'essaie un produit irrésistible qui ne me convainc pas du tout. À date, j'ai jamais été satisfait d'un produit irrésistible de ma vie, contrairement au choix du président où littéralement chaque produit que j'ai essayé, j'ai aimé. Fait que tu sais, les marques d'épicerie, je suis un petit peu réticent en ce moment. Morale de cette histoire, arrête de magasiner chez Métro. Non, mais j'aime Métro pareil, j'aime le magasin Métro, mais c'est que j'achèterai pas leurs produits irrésistibles, malheureusement. Anytime soon! Ouais, je suis d'accord. Et la raison pour laquelle je dis anytime soon, c'est qu'on va commencer un bloc de nouvelles de fast-food, comme toujours à la fin d'une grosse pointe à l'adresse, et on commence avec un bloc thématique sur McDonald's. Et vous savez déjà que McDonald's sert aux États-Unis les déjeuners à longueur de journée? Oui! Oh wow, c'est vraiment cool. Mais c'est pas tout dans le menu qui est disponible. Et justement, ne vous attendez pas au menu au complet bientôt, parce que ça ne viendra pas. Ça fait deux mois environ, un petit peu plus que deux mois, que McDonald's sert des déjeuners à longueur de journée, un petit peu partout aux États-Unis. Et on indique maintenant que ça a du succès, mais pas assez de succès pour ramener les McGriddles ou autres trucs crêpes McCrêpes. Ah oui, il y avait des déjeuners vraiment crêpes bacon. C'est ça, mais c'est pas ce qu'on a là. Aux États-Unis en ce moment, c'est seulement la base, les McMuffins. Mais je pense que McDonald's a des problèmes. Là. Je pense qu'ils essaient vraiment tout. On reset le menu, on met trop d'affaires, on met pas assez d'affaires, on essaie de faire une table d'hôtes chez McDonald's. Je sais pas si mettons. Avez-vous déjà été au McDonald's de Louisville? Non, y a-tu un parc de pour enfants? Ben, c'est pas le McDo qu'il y a à la sortie d'autoroute? Mais dans une pas station? Oui. Berthierville? C'est tout nouveau, là. Ok, de nouveau. Non? Ouais. Non, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non. Ils ont-tu changé encore le look? Il est plein. Non, mais je pense qu'il est nouveau, puis je pense qu'il va être nouvellement fermé. Ah, il marche pas? Ben non, ben, vraiment voyons, pas. Bon, ben mais je pense qu'ils ont de la misère, là, c'est ça. Ouais. C'est service au volant quand t'attends là, 15 minutes pour ton... Oh, hey, c'est plus du service au volant. Je dois avouer que j'avais des amis dans le temps, quand j'allais au secondaire, mettons, puis au collège, j'avais des amis qui travaillaient chez McDo puis qui disaient qu'il y avait un temps de livraison quand tu passes à la commande à l'auto qui était comme en dedans d'une minute, la personne doit avoir reçu sa commande. Sans son puits. Exactement. Mais là, ils te font passer. Là, ils ont mis des espaces de stationnement pour attendre. J'ai vu ça avec des numéros tout, tellement ça arrive tout le temps. Tu sais, avant, c'était comme mettre sur le coin, ça arrive tellement jamais que ça m'a pas marqué où se mettre. Maintenant, il y a une place spécifiquement pour ça. C'est côté rendement, on devient de moins en moins bon. Et en plus, faut de plus en plus vérifier ses sacs parce qu'ils ont jamais la commande que t'as demandé comme ça. Ou ils en ont oublié. Mais c'est parce que t'en commandes trop, toi. Hey, ben placé m'a jugé, toi et madame chose. Bref, une nouvelle étude de NPD Group nous apprend qu'une personne sur trois qui a acheté un déjeuner McDonald's l'après-midi ou le soir n'avait pas mangé de McDonald's du tout depuis les trois derniers mois. Donc ça a amené une nouvelle clientèle de servir le déjeuner. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Les heures du midi sont les meilleurs endroits pour s'acheter cases horaires pour s'acheter un McMuffin, etc. etc. 61% des reçus avec des articles de déjeuner incluaient aussi des articles de pas déjeuner. Donc, les gens se prenaient peut-être un McMuffin avec une frite, mettons. Ah, okay. Ça peut arriver, ça. Ok, ils ont le droit de combiner. Oui, c'est ça. C'est le menu déjeuner est offert en tout temps et le menu dîner aussi, donc tu peux faire la combinaison que tu veux. Donc, les résultats prometteurs, au moins à court terme, c'est sûr que ça va peut-être leur donner un petit kick vers le haut, mais comme ils sont en pente descendante, peut-être que ça ira pas aussi haut qu'ils auraient aimé. Voilà. Mais attendez-vous pas au menu au complet, comme je disais, parce que ça prend plus de friteuses. Puis déjà que tous les McDonald's qui servent le déjeuner ont dû se faire essayer des nouvelles friteuses. Parce qu'ils peuvent pas faire les frites et les patates déjeuner en même temps. Sinon, ça colle. Je sais pas, j'imagine que c'est la durée de cuisson. Ah, peut-être. Mais là, ça veut dire que là-bas, ils peuvent s'acheter des patates hachées à longueur de journée? C'est ça. Mmh. Je crois que c'est dans le menu de ce qu'il y a disponible. Oh mon Dieu! Mais il y en a qui vont prendre des patates frites en place. Ouais. Ils sont spéciales. Moi, je fais le contraire. Je prendrais un Big Mac, mettons, un Big avec poulet une patate, avec une patate. Même qu'il y a des endroits qui servent la patate à déjeuner dans un hamburger. Ben là, ils ont comme sorti le McWrap là avec les patates avec à déjeuner patate. Déjà. Voilà, ouais. Tu vois là, ça mène vers quelque je chose. Je l'ai qu'on pas aime. Goûté par exemple. Non, mais c'est disponible ici. Oui, c'est disponible ici. Oh yeah. Les wraps là déjeuner avec la patate déjà intégrée. Bon ben à ce soir McDonald's. Mais non, mais il y en a pas de déjeuner ce ouais, soir c'est ça. Ici là. Ah, demain matin. Ah oui, demain congé. Matin. T'as raison, ben congé. Ben démission ouais. Là. Oui, ouais, c'est ça. C'est la journée où je travaille le plus, genre, mais ouais. On reste chez McDonald's, tout le monde, avec une machine distributrice de poulet McCroquette. Une machine distributrice, comme une machine à liqueur, mais oui. C'est des McCroquettes qui ah, tombent. C'est drôle. Et la machine est faite en Lego. Hein? Oui. Donc, c'est oh, le Lego McNugget Dispenser. En échange, c'est des builders, des constructeurs sur YouTube qui ont fait ça sur la chaîne Astonishing Studios avec les Lego de Lego Mindstorms. Ça demande une pièce de 2€ pour avoir une petite sauce à tremper en plus de tes McCroquettes. C'est quand même vraiment bien. Donc, la machine va même rejeter les pièces qui ne sont pas de la bonne grandeur dans son système de rails, dans le truc qu'ils ont construit. On peut mettre 2 boîtes de McCroquettes à la fois. Évidemment, non, c'est pas beaucoup quand même comme machine distributrice. Mais c'est créé par eux-mêmes en Lego. Fait voir comment faire ça sur leur chaîne YouTube sur assemblagerequis.com. Oh, ouais. On peut pas l'acheter, évidemment, mais ça reste le fun quand même. Quand même. Toujours chez McDonald's, maintenant en Ontario, ils ont fait un concours spécial. Ça s'appelle le Secret Menu Contest. OK. Donc, en Ontario, donc c'était la compagnie avait fait les finales, ouais c'est ça les finales, ouais, on peut dire ça les finales je pense, de leur compétition spéciale où des membres de l'équipe de McDonald's et des gérants de McDonald's soumettaient des recettes pour des sandwichs ou des wraps en utilisant les ingrédients qui existent déjà chez McDonald's. Un peu à la Lay's, crée-nous une saveur de je sais pas trop quoi. Oui. Ah, ouais, donc, okay. Les soumissions sont passées de quart de finale à semi-finale et à ronde finale. Le gagnant va remporter 10 000 $ canadiens et 500 $ canadiens de plus pour son restaurant. Alors que la deuxième place recevait 5 000 $ et le bronze 2 500. Il y a aussi le People's Choice Award qui pourrait gagner 1 000 $. La recette qui aura le plus de likes sur le site web de Secret Menu Creations, c'est sur secretmenu.ca. Il y a par exemple le Junior Western de Josiah à New Hamburg en Ontario qui a l'air d'avoir en fait les, c'est pas super il a l'air clair, d'avoir hein. Comme 3 boulettes là. 3 boulettes puis des tomates puis du fromage, ça a pas l'air super original. Est-ce que t'as vu combien il y a de personnes qui ont liké l'autre à côté? 1837 pour le Maple Bacon Quarter, donc un quart de livre au bacon et à l'érable. Ça doit être bon. Ça doit être moi. Bon. Ça doit être bon. Mais est-ce que je peux y aller d'un commentaire personnel? Commence, Pénélope. Et moi, j'ai l'impression que McDonald's ou toutes ces chaînes de fast-food essaient vraiment de réinventer les hamburgers comme on voit de plus en plus dans des espèces de petits bistrots ou des styles un peu plus poutine, etc. Underground, ouais, c'est ça. On pousse vraiment le Big Mac ou le Mac whatever. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça du McDo. Pas chez McDonald's, on c'est veut ça. Un Big Mac traditionnel parce qu'on a été habitué à ça. C'est ça. Si je veux manger un Big Mac triple cornichon, confit d'oignon, tout ça, je vais aller dans mon petit bistrot. Je trouve que là, il y a cette trop là, de... Mais il entre tellement dans la mode du micro-brasserie. Tu sais, le craft est très, très populaire de nos jours. Les petites brasseries, les petites chaînes de restauration. J'ai l'impression qu'ils se perdent un peu. Ouais, juste McDonald's, là, mais tu sais, il y en a aussi un peu plus réinventer ce qui fonctionne déjà bien. Ouais, qu'il y a une demande pour ça, mon Dieu. Mais c'est le fun parce que là, ça faisait participer les gens. Tout ça, c'est ça. Ça pour le concours, pour c'est ça. Bien. Mais peut-on rester... On veut nos classiques. Oui. C'est comme la fille qui avait fait un burger à poutine, là. Ouais. Mais en même temps, t'as vu celui dans le coin en bas à droite, le hot hamburger. Ouais. C'est un peu comme un hot chicken, mais avec un hamburger McDonald's. Ça peut être quand même drôle. T'as un hamburger avec de la sauce brune par-dessus, puis peut-être des petits pois. Je sais pas quoi, on voit pas du tout sa photo. Ça, on voit absolument rien sur les photos. Faudrait aller sur le site web, mais on a pas ce temps-là. Ça. Ouais. On a pas ce temps-là. McDonald's qui passe à des menus numériques qui vont suggérer des menus basés sur la météo. Ah. Ouais. Si des fois t'arrives chez McDonald's, tu te demandes quoi commander, ne t'en fais pas, hein. Oui. Donc, le président américain de McDonald's, Mike Andres, il s'appelle Mike, puis il travaille chez McDonald's. McDonald's, c'est quand même bon. Donc, les menus intelligents sont faits pour surveiller la température à l'extérieur et basés sur cette information-là, ils vont recommander des produits qui se vendent mieux à des températures plus chaudes ou plus froides. Donc, quand il fait froid ou qu'il pleut dehors, le menu numérique pourrait te suggérer des boissons chaudes, des menus plus, tu sais, consistants. S'il fait chaud, ben, ils vont te suggérer des slushs ou des parfaits ou je sais pas trop quoi. Avec des choses, des wraps, mettons. Et voilà! Et aussi, vu que c'est numérique, ça peut passer du menu du matin au menu de l'après-midi. en temps réel aux heures exactes. Mais avant, il fallait qu'ils tournent les panneaux à la main. Oui, mais c'est avec toi qu'on jasait de ça, qu'on est allé dans plusieurs restaurants puis qu'ils ont tous ça, là. Les fameux menus qui changent automatique. Avec les pubs qui passent par-dessus. Tu regardes le menu puis il y a une pub qui part dessus. Une carte cadeau qui se met à voler avec des ailes par-dessus ton menu puis qui cache tout le reste où t'as des bulles de liqueur. Fait que là, t'es en train de commander. Fait que là, tu vois rien. Là, la fille te demande ce que tu veux puis tu dis attends, m'a fini que la pub finisse. M'attends que la pub finisse. Vous allez où, vous, au resto? Sur des forges, le McDo. Ouais, mettons, là, tu vas au McDo. Oui? Les McDo font ça maintenant. Il y a le Thai Express qui fait ça maintenant. Ça. Oui, hey, t'as raison, le Thai Express. Oui, il y a des affaires sur le menu qui apparaissent. Des fois, ils sont plus là, puis là, seulement, mais il est rendu où? C'est parce qu'il a été remplacé par autre chose, subtilement. Ouais. Sur le menu, puis la fille, elle te le dit. Non, mais c'est parce que, bon, moi, tout le temps, parce que quand j'arrive pour commander, je veux pas faire attendre la caissière. La fille, en arrière de moi. Ben non, c'est sûr. Ah, ça m'énerve, ça. Bref, sachez-le, on aime pas ça. Ouais. Toujours dans un bloc thématique sur McDonald's qui pourrait remplacer son menu à 1$. Aux États-Unis, c'est un menu à 1$. Ici, c'est McValeur à 1,39$, je sais pas quoi. Mm-hmm. Aux États-Unis, c'était le dollar menu. Il pourrait le remplacer par le McPick 2, un micro-menu qu'on peut construire soi-même pour 2$ selon l'Associated Press. Donc, les menus, 4 options, un Mc double, un Mc poulet, une petite frite et les nouveaux bâtons de mozzarella. Aux États-Unis, on peut en choisir 2 pour 2$. Deux, donc un Mc double et mozzarella, un Mc poulet et un Mc double, un Mc poulet et un mozzarella. Peut-être pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans le menu, mais ça commence cette semaine, le 4 janvier. Un test qui pourrait être adopté plus tard avec le nom McPick. Ah, ben c'est bien. Ouais. Ensuite, McDonald's qui teste du macaroni au fromage comme joyeux festin aux États-Unis. Ah, encore une fois. En Ohio, seulement en Ohio. C'est pour un temps limité, c'est dans un joyeux festin. Le prix pour le ça s'appelle juste le mac and cheese, non pas le mac and cheese. Genre, ah, ça aurait été drôle. Ça aurait été bien mis. Pour 1,75$, évidemment, comfort food par excellence. Burger King avait déjà essayé aussi le mac and cheese aux États-Unis dans leur option santé. Ouais, bon, c'est ça que je voulais apporter comme point. Je veux dire, j'ai l'impression que McDonald's aussi, à un moment donné, a voulu prendre un tournant plus santé. Mais là, on retourne en arrière là, du crab dinner, on va se le dire. Tu sais, moi, j'adore ça. Là. Ah oui, oui. J'en fais à mes enfants. Mais c'est marqué seulement 190 calories. Non, mais genre... C'est ça. Tu sais, pour vrai. C'est vraiment écrit sur la pub. Oui, t'as-tu vu le petit bol? C'est quand même minime, là. Ouais, ouais. C'est trois bouchées, cette histoire-là, sérieux. Oui, t'as comme trois macaronis dedans. C'est la grosseur d'une salade de choux, on dirait. Genre, j'ai PFK. Non, c'est ridicule. Mais bon, c'est ça. Ça a pas l'air super bon. En plus, tu sais, c'est un peu comme leur gruau, là. Ça, tu veux pas du gruau chez McDo? Je comprends pas. Il y a du gruau chez McDo? Oui, il y a du gruau chez McDo, mais je dois dire qu'il est très bon. Ah oui? Ah ouais? Mm-hmm. Oh! Tu changes nos vies, je pense. Ah, je vais voir. Ouais. Je vais voir ça. Ouais. Est-ce qu'on reste chez McDonald's? avec des chaussons? En fait, non, c'est pas ça. C'est des lattés à saveur de chaussons aux pommes. Mmh. Le contraire de ce que tu pourrais penser. Mais toi, il y a faire un chausson aux pommes au café. T'sais. Mais non, le café aux chaussons. Ah, ça, j'aime ça. Ah, c'est en Pologne. Oui. C'est rarement au Québec. Hein. c'est le tour du monde, de façon. Okay. Ouais, c'est ça, on s'en va prendre un vol d'aller-retour. Tu sais, si 20 minutes à Shawinigan, c'est pas long, on peut bien aller à Pologne. Pour un petit latte. Donc, la apple pie latte avec des brisures, pas des brisures, des comment t'appelles ça? Du fromage, mettons, quand tu vas fromager, tu vas faire des copeaux. Râper. Merci. Oui, ça je vais prendre une consonne. Voyelle. Donc, sujet vert complément. Des copeaux de chocolat blanc sur leur café. Voilà, c'est dans leur menu McCafé. Le apple pie latte a aussi donc, de l'espresso dedans, du lait à la vapeur et de la saveur de pomme et de cannelle. Aussi nouveau cet hiver en Pologne, le red berry mocha et le gâteau carotte. Le gâteau carotte. Oui, ça se pourrait que ça s'en vienne aux États-Unis, j'imagine. Ça a l'air d'être plus automnal qu'hivernal pour l'Amérique du Nord, mais eux font ça pour l'hiver. Ça fit aussi, je pense. Ouais, je pense que oui. On abandonne McDonald's un peu. Juste un peu pour aller chez Burger King. C'est pas la même chose, hein? C'est pas mal des mêmes goûts. Qui offre des tournées de leur cuisine et permet aux gens de faire leur propre burger à Singapour. C'est une nouvelle promotion à Kitchen Tours. On appelle ça le BK Kitchen Tour and Do-It-Yourself Burger. Donc, c'est une session de 2 heures. Où les gens, dans le fond, on demande environ 10 participants et plus pour faire ces tournées-là. Ça coûte 8 $, 5,68 $ américains environ par personne pour les 12 ans et moins et 7,10 $ environ pour les adultes. C'est un burger que tu fabriques toi-même, une petite boisson, une frite moyenne. Donc, dans le fond, tu payes pas mal le prix d'un combo et t'as la tournée des cuisines gratuite. On peut fabriquer un burger avec différents pains, sauces et autres ingrédients. hésiter à Singapour, pourquoi ne pas essayer de voir comment on fait du fast-food en arrière. Moi, j'ai jamais fait. Le Burger King, on voit pas. Non, ça, c'est le Harvey, je pense. Harvey's, on voit la exactement. Cuisine. T'as raison. Ou l'intérêt d'aller dans la cuisine si tu la vois. Mais Burger King ne fait pas ça. Donc... Même si leurs burgers sont pas mal similaires à ceux d'Harvey, ça me semble que ça peut être fait différemment. Est-ce que vous aimez mieux l'Harvey's ou le Burger King? Harvey's. Je sais que toi, t'aimais mieux le Burger King. Hein? Ouais. Je préfère beaucoup. Moi aussi, Harvey's, cornichon. Attends un peu. Cornichon pané non, dans pas. La sauce ranch. Ah, pas sûr. Ah, pas c'est sûr, bon, sûr. C'est bon. Il y en avait un ici avant, il appartenait à Yves Lévesque. Est-ce que vous vous souvenez? Il y en a un de nouveau, il appartient pas, je crois, à Yves Lévesque. Mais il y en a un Harvey's. Là, ah oui, ici? Ouais, à côté du Pita Pit et du chocolat fait là. Ah, ben ah, oui. Oui. Ben oui, avant, il était juste de l'autre côté de la rue. Non, il était du même côté de la rue, mais dans le chocolat favori. Tania, c'est ouais, c'est ça, exactement. Mais il était. C'est du même côté. Non, mais du même côté. Ok, mais. Plus loin sur la même rue. Je te dessinerai ma rue, mettons. Ouais, quand tu dis du côté de la rue, ça a un sens littéral que tu peux pas. Utiliser. Pas du côté du centre les rivières, du même côté de rue, mais il y a une rue perpendiculaire où est-ce qu'il y a le Mama Pasta maintenant. Ok, où mais. Est-ce qu'il y avait le de la rue aussi avant. Ah, oui, ouais, tout à voilà. Fait. Il y en a plus. Okay, en a plus. Mais... Non, mais il a changé de place, il est rendu sur des recollets. Ah, je savais pas ça. Ah, mais bref, mais mon Dieu, moi non plus. Il n'y a pas de rue qui sépare le burger, le Harvey's et le chocolat favori, ma chère Tania. Ça fait. Et je connais mon fast-food, hein, j'ai une chronique là-dessus. Ça oui, fait. ça fait Harvey's. Ouais. Pita Pit. Ouais. Et chocolat favori dans la même bâtisse. Il y a un AW aussi. Hein. Oui, mais de l'autre côté. De la rue ou du. Non, non, non, mais. Le magasin de la rue ou de la rue de la rue? Hein? Ouais, non, là. Le... Hein? Oh, oh, oh. Oh, ah, oh. Il n'est pas collé avec les trois autres. Les trois autres sont collés. Ensemble. Il est dans le bouclin? Le AW n'est pas collé. Le c'est pas RV, clair. C'est collé. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. De la rue ou de la rue? Hey, on a fait une dernière sur Burger King. On va servir de la sauce au wasabi sur ses frites. Oh. Ses McCroquettes. Ben, pas ses McCroquettes chez Burger King, c'est croquettes de poulet. Et son poisson à Singapour, encore une fois. Donc, un trio frites, poulet en croquettes et sandwich au poisson. Offert avec de la sauce wasabi qui goûte un petit peu le réfort, donc qui stimule le nez, pourrait peut-être nous enlever un petit peu le mucus. Ah, peut-être. Sur les frites, pas le mucus, le wasabi. Mm-hmm. Comme sauce à tremper, c'est un menu promotionnel. Donc en ce moment à Singapour, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ouais, mais ça reste quand même vraiment le fun. Et finalement, Pizza Hut qui va offrir une pizza en forme d'étoile avec du poisson dessus. Au Luxembourg. Oh! C'est la Nordic Star chez Pizza Hut Luxembourg pour un temps limité. C'est une pizza en forme d'étoile, donc vraiment faite à la main, comme Pizza Hut dit, avec les coins étirés. Et dans chacune des pointes de l'étoile, t'as des morceaux de... sur le dessus de la pizza, t'as du fromage à la crème et du saumon fumé. Quelque chose qu'on trouverait habituellement sur un bagel, sur une pizza. La pizza aussi, aussi des capres, des oignons rouges. Encore une fois, pareil comme sur un bagel. Et les pochettes sur les côtés, sur les bouts des étoiles, c'est encore une fois du saumon fumé et du fromage à la crème, mais imprégné dans les petites pochettes que tu peux détacher et manger. Et il y a sur le dessus des graines de pavot sur les côtés de l'étoile. Mon Dieu, grosse pizza. Mais c'est malade, pour vrai. Oui, c'est intense, mais en même temps, ça, tu sais, justement, dans la croûte, ça doit remplacer le fromage fondant dans la croûte de Pizza Hut. Mais c'est quand même intense dans le goût. Ouais, on va se le dire, ça goûte le poisson en titi, là. Ça a l'air bon, je trouve. 17,36 américains environ, c'est quand même une pizza assez dispendieuse, mais avec du saumon. Ouais, mais Pizza Hut, c'est quand même assez dispendieux aussi, hein. Oui, il faut peut-être des spéciales, des promos, des coupons. Ouais. Il y a aussi, tant qu'à parler de saumon, il est toujours à Singapour. C'était ça, Singapour? Non, Luxembourg. La chaîne offre aussi des roulés aux tortillas avec du fromage à la crème et du saumon. Donc, des petits wraps chez Pizza Hut, je sais pas pourquoi ils font ça. Avec crème sûre pour tremper. Et un petit bout de citron pour garnir ton roulé. Tortilla au saumon. Voilà, c'est tout pour les nouvelles de fast food à travers le monde. Tout le monde est jaloux que ce soit pas au Québec, c'est jamais au Québec. C'est vrai, c'est jamais c'est vrai. Ici. C'est rarement au Québec. C'est mais peut-être un jour. Qui sait, je sais pas pourquoi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Quelle est l'origine de la galette des rois? Hein, hier, c'était l'Épiphanie. Eh bien, elle est indissociable à cette fête de l'Épiphanie, la tradition de la galette des rois ou le gâteau des rois dans certaines régions. Eh bien, c'est l'héritage d'une tradition païenne. Particulier, hein, parce qu'on se dit c'était les rois mages et après, hein, on pense ça. On a associé ça à Jésus. mais c'est à peu près comme toutes les fêtes et toutes les dates de fêtes, autant dans les calendriers chrétiens ou catholiques ou d'autres religions, ont toujours rapport avec presque des fêtes millénaires qui étaient célébrées par des païens. Donc, elle vient des Saturnales, une fête romaine célébrant le dieu Saturne et le soleil. Un repas était alors partagé entre les maîtres et les esclaves. Et une fève, un haricot était glissé dans un gâteau ou une galette dont l'aspect rond et doré rappelait celui du soleil. Celui qui tombait déçu était désigné comme le roi du festin. La tradition a été conservée après la christianisation, l'Église ayant fait coïncider la fête avec la célébration de l'arrivée des rois mages devant le berceau de l'enfant Jésus. Quant à la galette actuelle, composée de pâtes feuilletées et de frangipane, elle serait arrivée beaucoup plus tard, à la fin du 17e siècle. Mais là, je reprends. La galette des rois, à la base, hein, moi, en tout cas, dans la tradition familiale, c'était à peu près n'importe quel gâteau, tarte ou dessert, finalement, où on y insérait une fève ou une bine, comme on dit bien, en québécois. Alors, c'est de là que ça vient, la traditionnelle galette des rois. Et puis moi, j'avais déjà lu même que quand on était le festin, parce qu'on nous a dit que c'était un festin, un repas partagé entre maître et esclave. Et quand un esclave tombait sur une fève ou sur une bine, eh bien, pour la journée, ce que j'avais lu à l'époque, eh bien, il y avait à peu près les mêmes droits que les maîtres. Alors, ça pouvait être assez intéressant, donc, d'échanger ce rôle. Les bonnes résolutions du nouvel an, eh bien, quelle en est l'origine? Eh bien, faire du sport, manger sainement, arrêter de fumer, le début d'année est marqué par de bonnes résolutions. Moi, c'est essayer de maigrir un peu, ouais, et être un meilleur humain dans la vie de tous les jours, hein, moins juste chialer pour chialer. Chialer, c'est bien quand il y a quelque chose qui peut en ressortir de positif. Des engagements pris pour la première fois par les Babyloniens dans l'Antiquité. Encore ici, hein, c'est une résolution païenne. Leur religion voulait qu'ils promettent à leur dieu de rembourser leurs dettes et de rendre les objets qu'ils avaient empruntés afin de remettre les compteurs à zéro. Un petit reset pour le début d'année. Cette pratique permettait de mettre de l'ordre dans les relations et de responsabiliser chacun, hein, avec ce qu'il y avait à faire. Elle a ensuite été reprise par les Romains qui ont pris l'habitude de faire des promesses à Janus, le dieu aux deux visages. Janus, janvier, ça vient de là. Ben oui, hein, un petit jeu de mots drôle. Eh ben oui, l'un est tourné vers le passé. Janus, c'est le dieu aux deux visages. L'un est tourné vers le passé et l'autre vers le futur. Hein, c'est pour ça, certains yin-yang. La tradition de prendre de bonnes résolutions au 1er janvier a ensuite perduré au fil des siècles. De nos jours, certaines personnes en prennent même après les vacances d'été, période marquée par la rentrée scolaire et le retour au travail. Bonne année à vous. Sinon, si on parle de la tradition de s'embrasser sous le gui, eh bien oui, hein, cette tradition a perduré, mais c'est progressivement limité au fait d'embrasser quelqu'un sous du gui. C'est une pratique que l'on doit aux Celtes. La tradition voulant que l'on s'embrasse sous le gui était courante en Gaule et on prêtait en effet des vertus médicinales et magiques à cette belle plante. Cette dernière était même parfois le symbole d'immortalité car ses feuilles étaient toujours vertes, même en hiver. Bien, c'est sûr, le gui, c'est comme une feuille, on dirait plastique, hein, un peu caoutchoutée ou presque. À chaque début d'année, les druides cueillaient donc du gui pour les habitants qui l'accrochaient dans leur maison en guise de porte-bonheur et d'avoir un peu de verdure, hein, dans la maison. Il était alors d'usage, d'accueillir ses invités en les recevant et en les embrassant sous le gui pour leur porter chance, leur souhaiter de bonnes récoltes, la fécondité ou encore éloigner les mauvais esprits. Au fil des siècles et malgré l'arrivée du christianisme, la tradition a perduré, mais s'est progressivement limitée au fait d'embrasser quelqu'un, généralement son ou sa partenaire sous le gui, ou quoi que ce soit, pour se souhaiter une bonne et heureuse année. On va se coucher pas mal plus intelligent ce soir avec toutes ces questions dont on répond. La dinde de Noël, quelle est l'origine de cette dinde? Eh bien, elle a été le plat principal de nombreux foyers pour les réveillons et pour les repas en famille. La traditionnelle dinde est arrivée sur les tables européennes à la fin du 16e siècle, à l'époque où cette volaille était encore un mets très exotique. La dinde venait alors d'être découverte en Amérique par les colons espagnols. Son nom en français vient d'ailleurs de son appellation première de poulet d'Inde. hein, la dinde, contrée que les explorateurs pensaient avoir atteinte dans un premier temps. La rareté de ce nouvel animal en a fait un plat de fête. C'est ça, mais ici, au Québec et même en Amérique, on revoit, hein, moi cet été, j'ai commencé à revoir sur les routes, faut dire que j'habite en campagne, là. Ben, on revoit des dindons sauvages et puis ça donne le goût vraiment de se prendre un permis de chasse parce que ça donne faim tout ça. Non, mais pour vrai, j'ai vu une dinde avec sa famille de dindons, des petits dindons qui la suivaient. Ça faisait très, très famille de canards, là, tu vois, la grosse dinde, puis il y avait des petits bébés, puis il y en avait un plus gros en arrière. Je sais pas si c'était le père ou le cousin mongol attardé qui est un peu plus gros, je le sais pas. Hey, je dis n'importe quoi, là. Mais c'est revenu. Si vous ouvrez vos yeux, si vous promenez en campagne, vous allez voir, surtout à partir de nous ici, là. C'est sûr que vers le nord du Québec, la dinde n'est pas encore implantée, là. Mais elle est de retour, cette dinde, le dindon sauvage. Donc, la première fois qu'une dinde est apparue sur une table en France serait d'ailleurs pendant les noces du roi Charles IX en 1570. Il a néanmoins fallu attendre le 18e siècle pour qu'elle soit servie à Noël, une tradition lancée par Charles Albert de Bavière, souverain du Saint-Empire. De nos jours, la dinde représente également un bon compromis car elle est peu onéreuse et assez grosse pour nourrir toute une tablée. Eh ben oui, hein, on a rendu l'utile à l'agréable. Pourquoi l'année commence-t-elle un 1er janvier? Tantôt, on parlait de Janus, hein, qui voit derrière et qui voit vers le futur et vers le passé. Moi, je dis qu'il doit y avoir un lien là-dedans. On va aller voir. Contrairement à ce que l'on peut croire, l'année n'a pas toujours commencé un 1er janvier. Cette tradition existe en effet que depuis le 16e siècle, avec la promulgation de l'édit du Roussillon par le roi Charles IX en 1564. Donc, à la même époque que la dinde, finalement. Ce texte visait à unifier la date du début du calendrier dans tout le royaume de France, car à cette époque, l'année pouvait commencer à des dates différentes selon les provinces, ce qui était très problématique pour organiser un événement ou une guerre et ou pour l'écriture et pour l'archivage pour l'archivage de ce qui se passe, hein, de ce qui se passait, les chroniques finalement. En fonction du lieu, le Nouvel An pouvait par exemple être le jour de Pâques, tradition des rois capétiens, le 25 décembre qui avait été instauré par Charlemagne, ou encore le 25 mars, jour de l'Annonciation de la Maternité à la Vierge Marie. Tradition alors vénitienne. Charles IX a donc choisi de faire commencer l'année le 1er janvier comme l'avaient fait les Romains. Cette date n'ayant pas de connotation religieuse, elle n'avantageait alors personne et mettait tout le monde d'accord. Bonne chose, bonne chose. Sinon ici, 100 000 internautes piégés par un chien avec une tranche de jambon sur la tête. Un internaute a réussi à faire à croire que son chien s'était grièvement blessé dans un incendie, cela en posant simplement une tranche de jambon cuit, hein, sur la tête de l'animal. L'improbable cliché a fait un véritable carton sur la toile et a été partagé plusieurs centaines de milliers de fois. Peut-être vous faites partie de ces internautes qui, dans un geste de pure bonté désintéressée, avaient partagé sur les réseaux sociaux la photo d'un Golden Retriever prétendument défiguré à accompagné du message suivant. Ce pauvre chien a été gravement brûlé au visage en sauvant sa famille d'un incendie. On voit tout de suite ici, hein, que tout était là pour faire un prank ou un fail. Pour pogner le monde. Apparu initialement sur Twitter le 23 décembre, puis sur Facebook, le post émanait d'un certain Steven Roseman, lequel précisait une mention « j'aime » égale une prière et un partage égale 10 prières. Le gars voulait faire un buzz sur la toile et ça a marché. Sauf que si l'on ouvre très grand les yeux ou tout simplement, si on regarde un peu attentivement, on remarque que l'animal n'est pas défiguré du tout. Il y a simplement une tranche de jambon cuit ou cru, mais nous ici on dit du jambon cuit, parce que du jambon cru c'est saignant puis c'est pas bon. Fait que non, mais on mange pas du jambon. Du jambon d'habitude c'est déjà cuit. J'aime mieux vous le dire. Donc une tranche de jambon cru ou cuit, mais au look là au Québec on dit ça du jambon cuit, qui a été posé ostensiblement sur les yeux et sur son museau. Dès la première semaine, plus de 120 000 personnes vont pourtant tomber dans le panneau et partager la publication sur leur mur Facebook avec des commentaires compassionnels comme pensons à lui mes amis. Dernière petite bonne action pour l'année. Trop triste, quel brave petit chien, quel brave petit gars, on nous dit. Que Jésus te soigne ou encore total respect pour un chien qu'il mérite. Hey, c'est un chien avec une tranche de jambon cuit d'en face. Certaines réactions vont même plus loin, les internautes étant outrés parce qu'ils pensent que publier une photo de la sorte est cruel pour l'animal. Ben oui, ça fait mal. Parce que même s'il était brûlé, là, c'est très grave de mettre une photo comme ça d'un chien. Non, en tout cas. D'autres ont toutefois bien remarqué la supercherie, si certains la jugent amusante, voire géniale. Certains, en revanche, sont totalement furieux du Ham Dog, qui devient un buzz planétaire. Quel tas de conneries! As-tu si désespérément besoin d'attention pour mettre du jambon sur la tête de ton chien? Ça fait quoi? Et là, l'autre, il dit « Wouhou, après, tu menaces les gens s'ils ne prient pas pour lui, que c'est pathétique, s'enrage un certain Poli. » Il faut dire que dans les jours qui passent, plus Steven est maintenant trop heureux de sa soudaine notoriété, il va en rajouter dans la provocation, ralliant les médias à tout va. Attends un peu, ça vient de faire un méchant buzz, un pop-up, qui commence à reprendre l'histoire. J'ai posté ceci dans le but spécifique de parodier ceux qui y passent leur journée à poster les mêmes messages à la noix en suppliant, liker, partager, prier, dites amen. Oui, je l'ai fait juste pour le fun. Non, moi je pense pas. C'est ce qu'a expliqué Steven dans un commentaire sur son profil Facebook. Et dans le fond, il veut se moquer de lui-même parce que tu fais exactement de quoi tu veux te moquer. Un petit peu ridicule, mais bon. La satire semble être une seconde nature sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Faites-vous-en votre idée, vous avez sûrement vu cette histoire et vous en avez pensé quoi de ce chien avec une tranche de jambon sur la face? Hein? Je sais pas. Un cadavre sans tête modifie la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. C'est la découverte d'un corps sans tête dans une zone isolée et criminogène de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas qui a poussé les deux pays à remettre à plat le tracé de leur territoire, un échange de terres qui devrait être entériné dans un accord de 2016. L'histoire est d'autant plus étonnante que cette modification des contours des deux pays s'est faite sans anicroche, comme l'a rapporté cette semaine le journal britannique The Guardian. Interrogé sur la raison d'une telle magnanimité au sujet de ce surprenant échange de terres, Marcel Neven, le maire de la commune de Visé en Belgique, répond simplement « parce qu'il était logique de le faire ». Le point de départ de cette histoire peu banale est la découverte par des promeneurs il y a 3 ans d'un corps sans tête sur les bords de la Meuse, le fleuve qui fait office de frontière naturelle entre la Belgique et les Pays-Bas. Un endroit à la réputation sulfureuse connu pour constituer une zone de non-droit, un refuge pour les trafiquants de drogue ainsi que pour la prostitution. Oui, on nous dit une zone criminogène. J'ai pas vu ça souvent ici au Canada et même en Amérique, des zones criminogènes. Alertées, les autorités néerlandaises ont tout d'abord indiqué que le cadavre était situé en territoire belge et les Belges de répondre qu'il s'agissait de la Hollande. Après plusieurs renvois de balles et de vérifications, les Hollandais se sont rendus compte qu'ils avaient raison et qu'ils ne pouvaient pas aller sur les lieux du crime car il s'agissait donc d'un territoire belge. Pour y accéder, les Belges devaient faire de leur côté tout pour d'abord passer par les Pays-Bas, ce qui n'était pas autorisé de faire sans autorisation. Pas autorisé de faire sans autorisation. Belle phrase. Un sésame indispensable pour la police belge qui éprouvait toute la peine du monde à se rendre sur place car il s'agit d'un endroit très, très isolé. OK, mais isolé, en Europe. Ça existe encore des endroits très, très isolés entre l'Europe et... entre la Belgique et les Pays-Bas. En tout cas, drôle de question. Devant cet imbroglio géographico-judiciaire et pour mieux contrôler une zone qui échappait jusqu'ici à tout contrôle, les autorités des deux pays ont donc opté pour une solution radicale, procéder à un échange de territoire. Nous aurions dû le faire depuis longtemps, a indiqué Marcel Neven, et les travaux parlementaires préalables entre les deux pays pour ce drôle d'échange ont commencé, lesquels devaient déboucher sur un accord en 2016. En taille, la Belgique devrait perdre au change, amputée d'un territoire d'une taille équivalente à 15 terrains de football. Le pays plat devrait toutefois hériter d'une zone plus homogène, non seulement plus facile à contrôler et à administrer, mais facilitant également le commerce avec son voisin hollandais. Ce genre d'accord est très rare, mais cela peut arriver, a déclaré au Guardian Malcolm Shaw, un expert sur les différents frontaliers internationaux. Rien d'étonnant selon lui au regard de l'histoire compliquée dans cette zone géographique où la Belgique et la Hollande et même l'Allemagne ont constitué des frontières étrangement tordues faites d'enclaves. Ce qui l'est moins, c'est que cet échange se fait dans un contexte bien pacifique et apaisé. Quant au cadavre, la dépouille a été récupérée par les Belges et l'enquête est toujours en cours. Et là, quand on regarde justement cette zone assez intéressante sur papier, pas sur papier, mais sur une carte, on comprend justement qu'on a fait des enclaves. C'est littéralement ça. C'est comme si les pays, il y avait une clé qui rentrait dans le pays, puis l'autre bord, il y a une autre clé. On a décidé finalement là de faire une frontière un peu plus linéaire, moins bizarre, hein, parce que je pense qu'on va plus se fier au fleuve, parce que là, il y avait des territoires d'un bord qui allaient d'un bord, puis il y a des territoires qui allaient de l'autre bord qui appartenaient. Vous comprenez, d'un bord, c'était assez particulier. Si on voit la carte, on comprend. C'est sûr que là, avec comme ça, juste en vous le disant, peut-être que c'est un peu plus complexe. Je vous parle de Lemmy. Ben oui, Monsieur Lemmy Kilmister est décédé le 28 décembre dernier. C'est triste que le diable ait son âme. Je pense pas que Dieu, je pense pas qu'il aurait voulu que Dieu ait son âme. Hein? Donc, je vais dire ça. Mais bon, que Dieu ait son âme quand même, parce que moi, je suis plus respectueux que ça. Mais bon, c'est des vibrateurs qui sont désormais disponibles à l'effigie de Motorhead. Ben oui, cette compagnie de jouets érotiques a décidé de mettre sur le marché des vibrateurs ornés du logo du groupe heavy metal Motorhead. Eh ben oui, le site américain TMZ annonçait que la compagnie GameLink.com, un important détaillant de jouets sexuels, avait mis en vente 4 modèles de vibrateurs de style Motorhead. Motorhead, était le groupe de Lemmy Kilmister qui est décédé le 28 décembre dernier. Les prix varient entre 24 et 42 $ US, mais GameLink.com a décidé d'offrir une réduction de 15%. Le président de la compagnie, Jeff Dillon, a confié à TMZ que la raison pour laquelle il avait lancé ce produit est en rapport direct avec la musique de Lemmy. Selon lui, Motorhead incite à jouir de la vie et surtout du sexe. Sexe, drogue et rock'n'roll avec Lemmy Kilmister entre les jambes, mes amis. En plus, pour plus de sensations, ils ont mis plusieurs tétines sur le vibrateur. C'est pour plus de sensations. On a George Lucas qui compare Disney à des esclavagistes. Le Réveil de la Force, dernier opus de la saga Star Wars, ne semble pas avoir enchanté le créateur à l'origine du populaire film et de la populaire série. Le réalisateur George Lucas, le cinéaste, a confié sa déception sur le 7e film de la série repris par Disney au cours d'une entrevue accordée par l'animateur Charlie Rose pour la chaîne PBS. Très attaché à sa filmographie, Lucas parle des films de Star Wars en ces termes. « Ce sont mes enfants, je les aime, je les ai créés et je les ai vendus à des esclavagistes blancs qui s'emparent de ces choses. » Après avoir vendu... Ben oui, mais ça, tu le savais avant, man. T'as fait 4 milliards avec ça. Ben, c'était clair qu'on allait pousser puis écraser la sauce jusqu'à temps qu'il n'y en aille plus, hein? Donc, après avoir... Moi, j'ai été voir le film de Star Wars. Là, je fais une petite parenthèse comme ça. J'ai apprécié mon moment, mais c'est très, très, très, très, très, très, très, très, très, très loin d'un chef-d'œuvre. Hein? On s'entend, c'est un bon film de divertissement. Un bon moment, je me suis pas emmerdé. Mais des fois, les gens ils disaient que « Ah, vous verrez pas le temps passer. » C'est pas vrai. Moi, dans mon cinéma, là, à un moment donné, j'ai fait « OK. » J'ai pas trouvé ça, là... à me jeter ses murs. Vraiment pas. Mais j'ai trouvé que c'était un bon film, un bon divertissement, mais loin d'un grand chef-d'œuvre. Donc, on nous dit, c'est ça, il a vendu ça à Disney en 2012. Le cinéaste américain avait accepté que le célèbre studio américain réalise la 7e partie de la saga Le Réveil de la Force. Ils ont décidé de ne pas suivre mes histoires. Lucas avait proposé le synopsis d'une nouvelle trilogie au moment de la vente de Lucasfilm. Et il n'avait pas très envie que je sois impliqué. Et de mon côté, je me suis dit que si je m'impliquais là-dedans, ça allait poser des problèmes parce qu'il n'allait pas faire ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est clair. Puis moi, je me rappelle parce que j'ai acheté des livres qui sont supposés être l'histoire, la suite, hein, qui est connue depuis 20-30 ans ou presque, la suite de Star Wars et Le Réveil de la Force, eh bien, on a torché tout ce qui aurait pu être intéressant avec les histoires de Lucas. Mais bon, comme j'ai dit tantôt, c'est pas un mauvais film. Loin de là, c'est un très bon film, mais sans plus. Ça vaut pas le battage médiatique, puis les cochonneries, puis la merc qu'on nous vend depuis un an. Ça, c'est clair. Par contre, oui, ça nous donne le goût de voir l'autre, mais ça, c'est le meilleur de Disney. Hein? Disney a le tour de nous teaser, de nous faire un coït interrompu un peu. Et puis, c'est ce qu'on a fait encore avec ce film. Il compare sa relation tendue avec Disney avec une rupture amoureuse. C'est une règle simple de l'existence. Quand on rompt avec quelqu'un, la première règle, c'est de ne pas s'appeler par après. Hein? On va pas chez elle pour savoir ce qu'elle fait. Il faut se dire que c'est de l'histoire ancienne et qu'on va de l'avant désormais. Parce que dès qu'on se replonge là-dedans, on rouvre une blessure. Il faut mettre tout ça derrière soi et c'est très difficile à faire. Selon Lucas, les gens de Disney voulaient faire un film rétro. Je n'aime pas ça. J'ai travaillé très dur pour rendre chaque film complètement différent, pour que les planètes soient complètement différentes, pour que les vaisseaux soient complètement différents, pour que tout ait l'air nouveau. Eh ben oui. Et là, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais pourquoi le tweet t'a vendu tes droits pas trop brillants, ton affaire, gna gna gna gna gna gna gna gna gna. » Ben oui. Mais il peut dire son avis quand même. Puis oui, il a... comment je veux dire? Il a pris les 4 milliards de dollars et puis ça fait partie maintenant de sa fortune. Je pense qu'il peut oublier comme ça assez sagement... laisser faire Star Wars, puis oublier ça, s'en aller sur une île déserte et vivre comme il l'entend. Hein? Moi, c'est ce que je ferais. T'arrêtes de penser à ça, tu t'en fous, puis tu t'en vas ailleurs. Parlant d'aller ailleurs, eh bien, la présence d'un rat force un avion à faire demi-tour. Selon CNN, un rat dans un avion peut mettre la sécurité des occupants en péril parce que le mammifère a l'habitude de gruger des câbles de commande mécaniques. Donc, ça se passe à Mumbai, en Inde. Un avion de Air India a été forcé de faire le demi-tour après qu'un rat eût été possiblement aperçu à bord de l'appareil par un client. C'est ce qu'a rapporté à CNN. CNN en citant la compagnie aérienne. L'avion devait effectuer la liaison Mumbai-Londres, mais est finalement revenu dans la mégapole indienne en raison de la possible présence du petit rongeur. Des employés ont fouillé l'appareil sans que la bestiole ne soit trouvée. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole de la compagnie, J.P. Rao. Les 240 passagers ont pu prendre plus tard un autre vol vers la capitale anglaise. Selon CNN, un rat dans un avion peut mettre la sécurité des occupants en péril parce que le mammifère a l'habitude de gruger des câbles de commande mécaniques. Il ne s'agirait pas là du premier incident de ce genre chez Air India. Un de leurs appareils avait dû faire demi-tour à New Delhi en juillet après qu'on eût rapporté la présence d'un rat. C'est ce qu'a indiqué toujours le réseau américain. Ben oui, mais en même temps, c'est une grosse bébelle, un avion. Là. Un rat, ça peut être caché n'importe où, mais n'importe où. Alors, moi, je pense que on devrait plutôt intégrer des chats, hein? Une escouade de chats à l'intérieur des avions. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez par Facebook, s'il vous plaît. Un téléphone de 800 ans vient d'être découvert. Téléphone portable de 800 ans. Non, vous avez bien compris. Vous l'aurez entendu ici au Dîner de cons. C'est une photo d'un prétendu téléphone âgé de 800 ans qui a enflammé le monde des théoriciens de la conspiration. La prétendue découverte archéologique est rapidement devenue virale après avoir fait apparition dans une vidéo récemment publiée sur YouTube par la chaîne Paranormal Crucible. Donc, les symboles sur les touches du prétendu téléphone ressemblent au cunéiforme, un système d'écriture mis au point en basse Mésopotamie entre 3400 et 3200 avant Jésus-Christ, même certaines écritures cunéiformes qui dateraient d'avant ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve de l'existence d'une ancienne civilisation avancée ou d'un voyage dans le temps? On le sait pas, mais c'est écrit ça dans la description de la vidéo. L'appareil aurait été découvert lors des fouilles à Funchless am See, en Autriche. Le site de conspiration todedeathmedia.com a écrit « C'est un appareil comme celui-ci avec une écriture cunéiforme fait en Autriche et est quelque chose que personne ne peut comprendre ou expliquer. Malheureusement, l'information au sujet de cette découverte sensationnelle est très limitée. » Allez voir ça. Intéressant, mais en même temps d'un ridicule bien consommé. Un prêtre suspendu pour avoir célébré la messe de Noël sur un hoverboard. Et quel est le problème? C'est le curé Falbert San José qui a voulu réinventer la traditionnelle messe de Noël. Et semble-t-il, il en a payé le prix. Les paroissiens de cette église catholique de Binan aux Philippines ont sans doute été surpris de voir leur prêtre déambuler en hoverboard dans les allées. La BBC News a publié une vidéo mettant en vedette le curé en pleine action. Falbert San José chante sur son hoverboard en parcourant l'église en se tournant sur lui-même. Même s'il a été applaudi pendant la petite promenade, la paroisse n'a pas du tout apprécié son geste. Le prêtre a même été suspendu pour avoir voulu teinter la messe de Noël d'une touche originale. Mais où est-ce qu'il est le problème? Là, je le cherche encore. Le curé s'est d'ailleurs excusé dans un communiqué à l'attention des paroissiens. Ses actes n'étaient pas corrects et je promets que cela ne se reproduira plus. Il a également précisé qu'il s'éloignerait de la paroisse quelque temps pour réfléchir à ces événements. Le quotidien de Philippine Star a précisé que l'évêque du diocèse, Jérôme Ceciliano, a réprimandé M. Falbert San José en rappelant que ce genre de choses détourne l'attention des gens venus célébrer la messe. Il est important que le prêtre puisse transmettre le message provenant de ses lectures et surtout de l'Évangile. Ici, il y a un internaute qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres? Ont-ils déjà oublié cette phrase tellement importante? » On voit ici un bel exemple du visage à deux faces de la religion. Sérieux, qu'est-ce que ça fait? Sérieux, qu'est-ce que ça fait? Hein? Il y a des frustrés partout, puis faut qu'on se fâche pour rien. Ce chanteur montréalais, Ian Kelly, eh bien, semble-t-il, s'est fait voler un disque dur contenant son prochain album. Le musicien Ian Kelly a annoncé sur Twitter qu'il s'est fait voler son disque dur dans sa voiture au coin des rues Wiseman et Jarry à Montréal entre 18h et 19h mardi soir. Son message au voleur, mon disque dur avec mon nouvel album ainsi que la copie de sauvegarde dans ma voiture entre 6h et 7h sur Wiseman, coin Jarry. Il a aussi mentionné qu'il offrait 1 000 $ de récompense à la personne qui retrouvait son matériel ainsi que sa copie de sauvegarde laissée dans la voiture. Ce message a été publié dans plusieurs langues sur son compte Twitter. Les enregistrements se trouvant sur ce disque dur constituaient le cinquième album du chanteur. Ian Kelly a trouvé dans sa voiture des clés appartenant peut-être au voleur. Le chanteur a mis une photo des clés sur Twitter. Il invitait le voleur à retourner le matériel volé en échange de ses clés. Une histoire à suivre, hein? C'est ce que je pourrais dire. Sur ce, eh bien, on y va avec une autre petite pièce musicale. Qu'est-ce que je vous offre? On va aller écouter du Karim Ouellet. La pièce que je vous offre, le Lapin Blanc, qu'on écoute tout de suite dans le Dîner de cons. Je vous invite à rester là, je suis avec vous jusqu'à 13h. Tout est dans mes cordes, je sais tout faire, même enterré et mort. Sous terre, j'ai la clé de ta porte, je suis dans ta chambre. As-tu des rêves à me vendre? Ferme la lumière. Je sais que tes mains me sont ouvertes toutes grandes. Qu'on s'envole en flammes, qu'on atterrit ensemble. Alléluia, save my soul, et je partirai. L'amour, on continue de vivre dans un conte de fées.